Salut, moi c'est Camille. Salut, moi c'est Camille. On a le Concept Store. Cam. Dites Actu Solite, si vous avez un peu de place pour votre pub, pensez à nous. Cam&cam.com. Tout le monde écoute Actu Solite. Actu Solite sur Indestar. En diamant. Ah, j'ai fait de l'italien, pardon. Je crois qu'on allait tous les trois commencer. Mais oui, mais un diamant, c'est de l'italien, ça me rappelle les jeunes années. J'espère que vous aussi, vous nous écoutez d'ailleurs. Ah bah non, parce que s'ils écoutent pas. Bah, ils nous écoutent pas, ils nous écoutent en podcast. Bah, ah oui, alors ça on peut le faire, effectivement. La diffusion différée. Il est chaud. Moi aussi j'ai chaud. Alors, si vous écoutez à 2h du matin, vous dites oh, ça va. Ou si vous êtes. Devant votre ventilateur, non, ça va. Ouais, ou si vous êtes au Canada. Dans une piscine, non, dans ça va. Dans une piscine, ah non, ça va. Ah non, parce que nous, on peut plus. Il fait au moins 28, 29 dans le studio là. Ah oui, c'est vrai qu'il fait très chaud. Ouais. Je dirais même qu'on approche allez, des 30 degrés là. J'aime pas. Bah 28, 29, de toute façon, on n'est pas très loin des 30, hein, Théo. Là, on est en Celsius là. Je suis, mais du tout, mais alors il trempe. Oh là là là là, tu vas salir les chaises si ça continue. Il va y avoir un possible. Aquarium sur sa chaise. Il va y avoir un aquarium sur sa chaise. Ouais. Venez visiter l'aquarium d'Amboise, mais il est au studio. Vous avez cru qu'ils étaient à côté. Du coup, vous l'avez bien compris, on est mercredi soir et mercredi soir, c'est Actu Solite. Oui. Non, mais c'est le mercredi soir, moi c'est l'heure, enfin c'est le moment où je me dis j'ai rien d'autre à faire que d'être à la radio. C'est vrai aussi pour le lundi soir, c'est vrai également des fois le vendredi soir, le jeudi soir, le mardi soir, le samedi soir. Il y passe ses soirées, ses nuits, ses jours, ses week-ends. Exactement, mais j'aime ça quelque part. Qu'est-ce et que il est encore célibataire. Mais là, j'ai mes copines préférées. Oh, en plus, il a dit mais. Ouais, bah oui. Pour une fois, j'ai compris dedans. Ouais, c'est quoi ça? Comme si t'étais exclu. Ouais. Genre elle exclue quoi. Non voilà, qu'est-ce que vous avez fait beau de ce week-end? Bon Anaïs, je sais, on a passé le week-end ensemble. On a fait quoi? Bah vous avez fait quoi déjà? Bah il y a ma cousine en fait qui est venue. Vous avez été dans le jacuzzi? Non même pas. Quoi? Pourquoi? Je l'ai mis en route. Oui. Et au final, on est allé au resto. Ouais. D'ailleurs, j'ai payé pour tout le monde. C'est gentil. Moi, et quand tu veux, on refait un resto. Mais en fait, parce que moi, je pars du principe où tu vois, si je paye pour ma copine et pour ma cousine, je vais pas laisser ma soeur payer sa place, tu vois. Ok. Moi, je pars mais déjà, pourquoi tu payes pour ta copine et ta cousine? Pourquoi t'es si généreuse? Bah, parce que j'aime bien. Genre, c'est, tant que j'ai de l'argent, tu vois, genre, ça me dérange pas de faire plaisir. Alors que la veille, je lui ai fait tiens, tu veux payer pour Nina, tu voudrais pas payer pour moi? Elle m'envoie, va te faire foutre. Non mais elle est comme ça, Amel. En fait, de surface, tu vois, c'est un tigre. Et mais en fait, non, le tigre au bout d'un moment, un tigre à dents de sable, tu vois, elle est bien. Oui, mais en fait, quand tu apprivoises le tigre, tu peux le caresser. Ouais, tu peux le caresser, tu vois. Regarde ses beaux poils. Soyeux. Et du coup, j'ai offert le resto et en fait, ma copine est rentrée chez elle, tu vois. Ouais. Et avec ma cousine et ma soeur, on est rentrés chez moi à 22h30. Ok. On s'est dit, 22h30, on est quand même jeunes, on va pas rester à la maison. Ah oui. Et là, je me suis dit, foire de tour. La fête foraine. Voilà, du coup, on y a été à 23h30, on est parti à 1h30 du matin. T'as fait des manèges? Ouais. J'ai fait le very bad trip. C'est quoi? J'ai mis. Bah, c'est un manège où tu. Plus tournes, jamais! Tu plus tournes jamais. D'un côté, mais ton siège tourne de l'autre et que ça va très vite. Et que d'un côté, tu montes et que tu descends. Deux secondes et demie, je dégueule là. Oh, non, mais attends, il a, d'habitude, ça a duré 2 minutes 30. Franchement, ça allait. Là, il a duré plus de 5 minutes le manège. Il était pourquoi très long. C'est genre. Je sais pas, le gate le rab. Allez, un tour, non! En plus, genre, j'étais pas bien. À un moment, tu vois que ça ralentit, que ça même commence toi, à s'arrêter. Parce que toi, tu aimes bien les manèges à sensation. Alors celui-là, il est mortel. Ah ouais, bah je vois. Autant, il est pas trop à sensation. Ouais, autant niveau. Sensation, ça passe comme ça, sensation d'accélère! Du coup, c'est plus de mon âge tout ça, tu vois, j'ai fait ça. T'as vieilli, Amel, t'as vieilli. Et je suis rentrée chez moi, j'avais encore la tête qui tournait. Ouais, ouais, moi ça m'a pris toute la soirée. Alors, moi ça m'a fait exactement la même chose dimanche avec un gâteau. T'as fait une expérience j'étais bizarre. J'étais manger couscous chez mon papa. Ah, il a mis du rhum avec, dedans. Avec ma sœurette. Non, le couscous s'est bien passé, mais sauf qu'après, il y avait du gâteau qu'il avait acheté avec de la crème et je ne supporte pas ni les œufs ni le lait. J'ai dit bon, le gâteau avait l'air bon quand même, il y avait des beaux fruits, donc je me donc suis dit je vais goûter. T'as fait caca partout. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai la gerbe en fait, après j'étais là sur le canapé, zomer. Et ça va durer une partie de l'après-midi avant d'aller à la brocante, ce qui était chouette, mais il faisait beau, il faisait chaud, chaud, très chaud. Ouais, bah nous on a été après le lendemain, on était chez ma grand-mère pour manger avec elle. Je me suis un peu incrustée, genre en mode mamie, tu fais quoi dimanche? Bah rien, bah on vient manger avec toi. Ouais. Puis après on était voir ma tante. D'accord. Donc bon petit week-end familial en perspective. Ouais, c'est ça. Bah, n'empêche, j'étais passé. En train de dire un truc et vous m'avez tous coupé où la parole. Tu te reposes pas non, au final. Non, c'était pas intéressant, je crois. Par contre, Amel, c'était très intéressant ce que tu as entendu. Quand je vous dis que ne je te sens pas exclu. Quand je dis que je me sens exclu, je parle de ça. Oui, du coup, j'espère que tu veux dire un truc bien. Alors, vas-y. Bah, maintenant, c'est ton moment, c'est Anaïs. C'est au moment pendant l'attraction, tu vois. Elle est encore là. Elle a quitté. Ouais, j'ai pas eu le temps de finir. Celui-là qui tourne, il y a un moment, ça commence à s'arrêter. Et puis, je regarde Amélie, je fais putain, cool, ça va s'arrêter. Et on entend quoi? Le mec, il dit on y retourne. Ah, bah oui. Putain. Attention, on accélère encore un tour. Vous en voulez encore? Il était très long, il était trop long. Ah, mais je comprends. Mais et bah, nous aussi, on va voyager ce soir dans une navette. Il paraît. Mais si vous voulez raconter aussi votre week-end, n'hésitez pas, vous avez un numéro de téléphone pour ça, que Anaïs connaît par cœur. 09 70 407 306, je répète, 09 70 407 306. On dirait pas, tu sais, les films, tu regardes sur la 11 tranquille et d'un coup on te dit, tu veux avoir une meuf chaude? Envoie 09 70 ouais. 407 306. Oui, du coup, là, c'est gratuit. On voyage un peu en navette ce soir, il me semble. Ouais, alors, ce soir, le dossier 10237, je suis obligé de les piocher au hasard tellement vous êtes sollicité. Cette fois-ci, c'est par les prods de Dr. Wu. Mais Wu is the Doctor. Et ben, c'est une série SF hein, encore d'actu parce qu'elle est plus vieille. C'est la plus vieille série SF de tous les temps depuis 1963. Et on va bientôt dépasser les 900 épisodes. Toi qui es fan, Anaïs, est-ce que tu savais cette info? Je sais qu'il y en avait beaucoup. Et ben parce voilà. Que je sais qu'il y a au moins 11 saisons. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas, j'ai pas trop suivi. Mais Donc évidemment, avec le nombre de saisons et d'épisodes qu'il y a eu, c'est autant de risques de se rater ou qu'il arrive un truc au docteur, même s'il est censé se régénérer. Hein. Et là, il est perdu ce soir. En à fait, chaque saison, il se régénère. Oui, c'est vrai. Mais là, il est perdu sur la planète cachée. C'est une planète qui est entièrement gouvernée par et régie par des femmes. Autant vous dire que c'est dangereux. Hein. Et nous, on est des femmes, donc ça va. Mais oui, vu que vous êtes des femmes, c'est pour ça qu'ils m'ont appelé. En fait, vous êtes des femmes et des fans. Ils m'ont appelé. Non, moi, je suis pas fan. Non, non c'est quoi ça? Ah oui, c'est le Dr. Wu, ça. Ah oui, on reconnaît. Vas-y. Ah oui. Ah ouais, c'est vrai, on est dans la merce. Donc oui, vu que vous êtes des femmes, ça devrait le faire. En tout cas, c'est ce qu'a pensé le scénariste quand il m'a contacté. Donc un docteur emprisonné quelque part à retrouver sur une planète hostile, c'est votre mission ce soir. Peut-être qu'il est emprisonné, je sais pas, dans une cage avec une porte en bois. Il paraît qu'il peut pas ouvrir les portes en bois. Le non, pauvre. Pas avec son petit tournevis sonique. Sur le bois, ça ne fonctionne pas. Alors la bonne nouvelle, c'est que la prod nous ont filé un TARDIS, donc la fameuse cabine téléphonique qui sert à voyager dans l'espace et dans le temps. Putain, ils ont des moyens. Ah bah ils nous l'ont filé. Grâce à nous. Interdimensionnel, je sais pas quoi là. Exactement. Vous pouvez aller partout avec. Par contre, c'est un peu compliqué à diriger, mais j'ai confiance en votre conduite. Je crois qu'il faut être 7 minimum pour. Je crois que c'est même plus 12. Non, je crois que c'est 7. Ah, c'est 7. Bon, elle est dans l'open space. Aussi, et ce qui est cool, c'est qu'on va la garder jusqu'à la fin de la saison. Ils nous l'ont donné, quoi. On pourra les utiliser pour d'autres. Mais carrément. Tu voulais pas qu'on se fasse un week-end? Alors, on va se faire un week-end en cabine là. Et le pire, c'est qu'on n'est même pas obligé de poser des jours de congé. Non, et puis on peut dormir dedans parce que c'est plus grand à l'intérieur. Exactement. Oui, oui. Alors, je vous ai mis une petite feuille de route avec tous les endroits qui me semblaient intéressants pour retrouver le docteur. Mais bon, après, vous ferez ce que vous voudrez. L'idée, c'est que vous rameniez le docteur à la maison. Je vous souhaite bon courage. Merci. Eh ben, c'est bien fort sympathique. Par contre, on sait pas à quoi il ressemble, le docteur, parce qu'il a plusieurs bagages. Je sais pas, moi, c'est le docteur, quoi. Mais on va le. Bah, de toute façon, si c'est une planète de meufs, forcément, ce sera seul. Non, mec. Puis même le docteur, tu le reconnais, il est un peu. Viens voir le docteur, n'en aie pas peur. C'est Doc Gynéco. C'est de l'impro, ça? Non, c'est Doc Gynéco. Ah, tu m'aurais peut-être surpris, toi. Ouais, je sais. Petite. Escale? Non, petite. Aparté. Exclusivité. Exclusivité. Ah, nous aurons Antoine la semaine prochaine en direct au génial. Studio avec nous. Bravo, Antoine! Bravo. Si tu veux trop chaud, tu restes dehors. Merci de ta présence. Rappelle-nous un ventilo. Ouais, apporte-nous de l'air. Même deux ou trois, voilà. S'il te plaît. Très bien, bah, on est ravis de l'apprendre. Donc ça sera la semaine prochaine à Alors, suivre. Du coup, on va se mettre en joie. Et quand nous, on est en joie, on chante. Le chant des migraines. Chant des migraines. Et un aspirine. Et même deux? Non, t'as pas rajouté? Bah, j'ai hésité. T'as en hésité, vrai, tu t'es dit, je vais encore me retrouver tout seul. C'est grave. Non, toute seule. Toute seule. Ah pardon, j'ai pas été voir. Oui, bah ça se voit quand même. Tu. Ça dépend. Hein. Non, ah oui, il y a quand même un peu de poitrine quand même. Regardez sur Twitch. Merci. En direct, live. Merci le son est pas bon. Merci pour le un peu. On va pas dire non plus que. Hein. Qu'est-ce que le chant des migraines? Je vais vous proposer de différents mots. Ouais. Et avec ce mot-là, vous allez devoir me trouver une chanson. D'accord. Qui... Et imagine, on trouve la chanson. Mais tu la chantes. Ah, je la chante. Et tu chantes, chantes ce refrain qui te plaît. J'ai fait un karaoké il y a une demi-heure. Ouais. Parce qu'à côté, ils faisaient un karaoké, ils m'ont dit, Yann, viens faire un karaoké. J'ai dit qui ? Ils m'ont dit Théo, viens faire un karaoké. J'ai dit d'accord, tu vois. Et je me suis approché. Et j'ai pas voulu, mais ils m'ont forcé. Donc non, fait. Non, je vous jure, on est arrivé. Parce qu'on arrive toujours au studio un peu avant. Donc on est arrivé à 19h30. Ouais. On commence à s'installer pour manger. On a vu Théo. Bonjour, au revoir. Et on, un bout d'un moment, Anaïs, ça me fait putain, mais c'est lui qui est en train de chanter là. Ah oui. Ouais, j'étais donc, en train de chanter. Tu sais, Goldman et Céline Dion là. Non, on a entendu. Ah. Je te. Non, c'est pas non. Ça. Mon pays, c'est toi. Qu'importe l'endroit, c'est qu'importe l'endroit. Bah, j'irai où tu iras. J'irai où tu iras, c'est ça, ouais. Et du coup, tu t'es un peu entraîné pour ce soir, quoi. T'as refait ta voix. Voilà, j'ai refait ma voix. Moi, je crois que j'ai pas la peine. C'est tellement un don chez moi, j'ai même pas besoin. Oui, c'est ça. Ça, c'est si tu le dis. Un don. Comme quoi, les allez, tais-toi, donne ton mot. Putain, mais tout le monde peut parler sauf moi. Est-ce qu'il y a une thématique? Est-ce qu'il y a une décennie? Est-ce qu'il y a un truc? Non, cette fois-ci, c'est un mot. Ok, vous pouvez gueuler à la maison aussi si vous n'avez pas de voisin à côté. Si vous êtes en HLM. Are you ready? Yes, je suis prêt. Ok, ça commence. Yes, go. Motivation. Premier mot: instant. Juste un instant entre toi et moi. Ah, je crois que c'est de la mélange. Qu'est-ce de puissance. Que... Et tu me dis que c'est du Kinvé, je te dis. Non. Attends ça. C'est juste un instant. J'ai ton bien mot. C'est tout juste un instant. Non. C'est que juste un instant entre toi et moi. Juste le temps d'un instant. C'est faux, hein, c'est faux, je suis désolé. Voir la vie autrement. C'est qui en fait, c'est un Disney. Acceptera nos psy prières. Psychiatre de la rime. Ou psypho, je sais pas comment on dit. Ah, les psychiatres de la rime. Oui, non, c'est. Oui, c'est ça. D'accord. Okay. Bah, c'est eux. Ok. Bah, j'ai un point. Ouais, bah. Ouais, non, t'as oublié un mot. Tu rigoles ou quoi? T'as oublié un mot, ça compte pas. T'as fait le mélange de deux chansons. Ouais. Et on n'a pas accepté les bootlegs, non, moi, je m'auto-donne le point, désolé. Ouais, elle s'auto-donne. elle va gagner son propre jeu, c'est génial. J'ai toutes les réponses. Et ce qui est bien, c'est que j'avais le temps de réfléchir parce que Théo, il a abandonné direct. Ah, mais je l'avais pas le instant, j'étais là, bah, bug. Après, je sais pas s'il y a un autre. Eh, mais stop, un instant, j'aimerais que ça. Ils l'ont chanté en plus tout à l'heure, merde. Bah, oui, juste qu'on venait de faire pipi. Ouais, certainement. Sensualité. Ah, c'est Axel Red, ça. Ah, si, j'ai un point du coup. L'autre fois, non. J'ai un point. Le. Non. Ah si, allez, voilà. Ouais, merci. Un demi-point. Ah, demi-point. Axel Red, elle a chanté l'autre fois, tu sais, Manhattan Kaboul avec Renaud. Oui. Petit portoricain. Ouais. Et ben, c'était très mauvais. Ils ont chanté en live. Ah ouais ? Ni l'un. Bon, alors, il y en a un, on connaît. Hein, maintenant, on sait qu'il est... voilà. Mais bon, Axel Red, elle est encore en forme, tu vois. Et ben, c'était faux, les uns comme les autres. Hein. Merde. Ouais. Ils sont peut-être pas entraînés, hein. Bah, je sais pas, mais quand tu... Ah, si quand même tu fais un live au bout de 20 ans comme ça, tu moins, te répètes. Hein. Et au moins tu sais que c'est pas du. Playback. Voilà. Tu devine la suite. N'oubliez pas les paroles, mais en version parlée. Ok, allez, mot suivant. Deuxième mot. Tellement. J'aimerais tellement te dire ce que veut mon cœur. C'est Ginali, ça. Mais je n'ai plus les mots. Et date. Non, mais c'est pas. C'est de la merde. Déjà, c'était de la merde à l'époque, ça. C'est pas de la merde. Si, Genali, c'est de la merde. Chacun a ses goûts musicaux, non, bah, s'il te plaît. Mais attends, il y a quoi d'autre aussi comme moi avec tellement? Bah, y en a, je suis sûr qu'il y en a d'autres. Bah oui. Bah oui. Tellement, mais t'es tellement belle. Non, je sais pas. Merci. Allez, deux points pour ma gueule. Eh, on a dit un ça point me dégoûte là, un point et demi, t'es un point et demi. Bon, faut que je rattrape l'idée là. Troisième mot. Oui. Enfin, troisième mot. Oui. Monde. Quoi? Hein? Monde. J'aimerais que le monde. Non, mais non, mais non. Tourne autour de toi. J'aimerais c'est que quoi, le ça monde. M. Pokora. Oh non, mais arrêtez avec moi. Vous. J'avais choisi Liliu Nico. Quoi? Ça fait. Parler. Chanter. Non, mais c'est quoi le rythme déjà? Je sais pas, je peux pas t'aider. Ah putain, si c'est son truc de Robin des Bois là. Allez, ah, j'en avais une. YouTube. Elle attend que le monde change. Elle attend que changent les gens. Elle attend que ce monde est étrange. C'est trop tard, j'en ai balancé deux. Des ouais, musiques, mais bon, comment je l'avais. Mais un peu en retard, ouais, j'avoue. Est-ce que t'as compris le principe j'ai... Oui, bah ouais, mais là, c'est, je sais pas, en c'est plus, la chaleur qui me ralentit l'esprit. Si vous avez vu sur la vidéo, il s'est grave mis dans le mood en mode. Oui, faut que j'y arrive, et puis bah, rien du tout. Hein. Allez, trois pour moi, bon, c'est foutu pour toi. Ouais, quatrième mot. C'est pas fini. Ébloui. Oh, ébloui par la nuit, un coup de lumière mortelle. C'est quoi? Il faut aimer la vie et l'aimer. Vous la regardez juste passer. Et Disney? C'est Zaz. Ouais. Zaz. C'est connais Zaz. Pas non. C'est elle qui chante. Mais non, je mais veux. Je connais Zaz, mais je veux, mais pas les autres. Je le mettrai la semaine prochaine. Ébloui par la nuit, un coup de lumière. Non, je le mettrai la semaine prochaine, il gagnera un point. Tu vois, ça c'est dernier ça. Mot. Bon, tu peux pas gagner, hein. Ouais, non. Cœur. Ben, Ah, la musique avec cœur. Il y en a plein. Mais oui, certainement, mais Mon cœur, mon amour, mon cœur. Ouais, je hais les coupes qui me rappellent que je suis seul. Putain, pour moi, je déteste les coupes, je les hais tout court. Anaïs. Eh, hey, j'aurais pu la chanter. C'était Anaïs, la chanteuse. Cœur, ouais, cœur. Ouais, je suis sûr qu'il y en a plein, les cœurs brisés. Il y a un truc avec des cœurs brisés. Ah, je suis sûr, il y a plein de cœurs, mais ouais. Ça ne revient pas. Hein. Bah non, ça ne revient c'est pas. C'est dingue. Hein. Mais pas mal, mon amour, mon amour. Non, c'est toi qui raccroche. Tu te souviens, la première fois que je t'ai proposé ce principe, t'es fait un 5-0 dans ta gueule. S'il vous plaît. Tu as fait cet exemple de Anaïs. Tu te souviens et non. Même. Non, mais bah non, si je t'ai envoyé un message vocal, je t'ai dit. Et les gens, est-ce que ça vous dit ce genre de rubrique pour moi et tout? D'accord. J'ai un exemple, le mot cœur, je vous chante, etc. Et tu m'as envoyé. Comme quoi. Oh, mais oui, c'est rigolo. Comme quoi, je ne t'écoute pas vraiment. Personne ne t'écoute vraiment. Je suis désolé, Anaïs. Voilà. Mon cœur. T'as dit quoi au début? Je t'ai pas exclu. Mon amour. Hein, mon cœur. Ouais. Non, c'est toi qui raccroche. C'est bon, t'as fini? Non, c'est toi. Non, c'est toi qui raccroche. Non, c'est toi. Non, c'est toi qui raccroche. Oh, j'insiste. Bon, je te rappelle. J'ai pas compris le délire là. Je vous mais c'est dans la chanson. Mais même, c'est ce que disent tous les couples dans les films et tout. Ah ouais. Non, moi c'est bon, allez, à plus. Et normalement, je raccroche au nez. Toi, t'as déjà raccroché avant qu'il te désembarque. Je t'ai jamais raccroché au nez. Ah non, mais pas moi. Ah, parce que moi, du moment que tu me dis au revoir, bisous, je raccroche. T'as beau me dire un truc. Ah bah, je rappelle pas. Ah, en fait. J'attends. C'est ça, je te rappelle. Deux secondes, tu réponds pas. Genre, je. Ah non, mais ciao. Moi, je suis d'accord avec Amel. Je raccroche moi aussi. Salut, ciao, clac, boum, je raccroche. Ça fait plaisir. Hein. Juste après. Oui. Question pour un concon. Ah oui. C'est parti, on y va. C'est parti, mais avant, on a de la musique. Oula. Elle est strong. Ouais, c'est ça. Enter Sandman. Ouais, c'est une reprise de Metallica. Ça, c'est de la bonne. Ah ouais, c'est de la bonne, regarde. Coupe-nous, Actu Solite, le défouloir d'Indestar, c'est ça. À gagner ce soir, Henri. Un radiateur neutre, c'est comme un radiateur, sauf que quand vous mettez le chauffage, ça reste à la même température. Actu Solite, tous les mercredis soirs, dès 21h sur Indestar. Mon tonton a un jardin, c'est une vraie campagne. C'est la chanson du jardin, la chanson du tracteur, la chanson... Tonton, le gazon. Tonton, le gazon. On dirait Annie Cordy. Écoutons. Le gazon. Il fait attention de pas écraser les petits nems. Tonton, le j'ai gazon. J'ai compris les petits nems. J'ai tout, il y a des nems dans un jardin, c'est horrible. Superbe chanson, superbe YOLO musique. Le clip vaut le coup aussi. Hein, si vous cherchez Tonton, le gazon, vous avez un superbe clip avec... une milf qui fait son show en maillot de bain. Moi je dis, on n'a pas la même définition du mot super. Ah bah chacun son style. Allez, on passe. C'est du Kinvé. Donc vous l'avez. Arrête, il a chanté. Et en plus, il a sorti une nouvelle là. C'est le même niveau. Non, arrête, Kinvé, il est bien. Oui, donc vous l'avez compris, hein, ActuSolite. Je sais pas si on l'a compris vraiment. Hein. Oui, bah ActuSolite ce soir sur Indestar. On est tous. De 21h à 23h. On est tous. On est tous. On a chaud ce soir dans le studio. Ah, moi horrible. Je me fais de la. Du vent, ouais, t'es toujours. Je crois qu'on va être comme ça pendant 2 heures. Et je vais avoir une crampe aux mains. Change de doigt. Ça donne pas bien la caméra. Demain. C'est sur Twitch. On s'en fout. Je suis du dos, je suis de partout, je suis du cul si tu veux. Ah. Ah oui. Ça, le jeu, hein. De quoi le jeu? Non, mais là, on va jouer. Oui, on va jouer. Ah bah, on va jouer à quoi? Bah, question pour un con. Ah oui, le fameux jeu. Moi, je vais retrouver mon Henri. Oh là là. Bon bah je vous laisse. Mesdames, messieurs, elle est drôle, elle est sympa, elle vous enjaille chaque semaine sur Indestar et elle est enrobée de questions à vous poser. Amel pour question pour un concon. Il y a toujours bonjour. Un concon Henri. Bonjour mademoiselle Amélie, bien le bonsoir et à tous nos candidats aussi. Comment allez-vous? Oh bah je vais très bien même si je suis du cul. Vous êtes comme moi Henri. Ah bah oui, vous voyez, on est plusieurs. Mes aisselles c'est une cascade. J'entends bien récolter vous de l'eau. Vous voulez boire, voilà ce que j'allais dire, vous voulez boire, vous je vais avec... m'abreuver, mademoiselle Amélie. Oh, un peu salé, t'aurais l'impression d'être à la mer. Miam, j'adore le sel, mademoiselle Amélie. Et puis ce soir, comme d'habitude, hein, question pour un concon, il m'a perturbé. Un jeu de drôlerie et de finitude, hein, on se prend pas la tête, hein, vous l'avez bien vu, vous l'avez bien compris. Ah, on a un appel au standard 3615 appel. Sur le standard... Oui. Faut-il encore décrocher, hein? Faut-il encore décrocher? Nous avons pourtant une régie pour ça, mais une stagiaire que nous avons engagée, la régie. Il n'y a même pas le truc d'appel. C'est très compliqué. Ah, elle retente, j'ai trouvé. On a des bruits bizarres dans le studio, mademoiselle Amélie. Oui, bah j'ai plus rien, on a un candidat qui était un peu en retard ce soir, donc... D'accord, très bien. Et puis, il rappelle est... Ah oui, ça n'a même pas décroché. Mais non, parce qu'elle elle savait pas où c'était... D'accord, alors il doit y avoir un bouton vert, la stagiaire, quand... Ouais, mais ça s'est pas affiché, en fait, ça dans l'écran. Ça s'est pas affiché, mon cul, oui. Et... C'est du poulet. Écoutez, heureusement, j'avais encore le numéro de téléphone du garçon qui va nous rejoindre. Bien sûr, vous avez tous les numéros de téléphone des garçons. Désolé, on a une meuf un peu pourrie. Hein. Voilà. Là, notre candidat doit être en ligne. Très bien, alors mademoiselle Amélie, présentez-nous ces chers candidats et je vous présenterai le... Cadeau. Le cadeau, voilà. On vient pas gratos, nous. Et bah, j'ai Léa à côté de moi. Léa, tu as 37 ans, c'est ça? Exactement, bientôt 38. Et écoutez-moi bien, elle a trouvé un système pour ne plus perdre ses 14 enfants. Parce que 14 aïe, enfants, il faut aïe, les surveiller. Aïe, aïe, aïe, 38 coup, ans, joli voilà. Succès, hein. Quand elle sort, et bah, elle leur met une cloche à vache autour du cou. Ling, ling, moi, ling, ling. J'imagine même pas, ça doit être insupportable quand même. Hein. On s'y fait à la longue. Vous savez, 14 ans comme ça, quoi. Non, 14 enfants, pas 14 ans. Le problème, c'est que... Bah oui, que... mais les 14 enfants, tu les fais sur 14 ans au minimum. Oh, mais non, ça n'arrête pas ce soir. Je disais que le problème était que ce sont souvent les bergers qui s'occupent de ces enfants. Bah, avec le troupeau. Bah oui, c'est ça, ils prennent pour un troupeau de vaches et en réalité, ce sont des enfants. Du coup, je suis sûre qu'elle a pris un border collie pour tourner autour des enfants, tu sais, pour éviter qu'il s'en va. C'est pas un berger qui fait ça? Non, non, c'est le border collie, tout à fait, c'est comme à la poste. Voilà. Nous avons aussi Théo avec nous ce soir. Théo, 23 ans. Bonsoir, moi c'est Théo, 23 ans. Qui n'a pas encore mué. Et oui, d'ailleurs... Je suis venue parce que j'ai vu de la lumière, mais j'ai toujours été fan de votre émission. Et ce soir, je me suis dit, pourquoi pas participer, hein. Question pour un concon, c'est tout moi, quoi. Surtout oui. S'il y a des cadeaux à gagner. Par contre, faut me laisser parler un bout d'un moment. D'accord, non, non, mais c'est bien sûr, je ne voudrais pas vous couper la parole et abuser de votre temps, évidemment. Et on m'a dit que vous vous étiez fait virer de votre ancien travail de vigne. Car oui, mettre en bouteille ne veut pas dire boire les bouteilles. Oui, alors effectivement, ça s'est passé entre la période 2013-2015 et j'étais embauchée là-bas et il se fait que un jour, on m'a surpris en train de boire une petite bouteille. Mais c'était juste, si vous voulez, pour goûter le vin, pour savoir s'il était bouchonné ou s'il n'était pas oui, bouchonné. Oui, mais vous avez quand même pas fait ça à toutes les bouteilles. Non, évidemment, mais là, le client, il vous dit, il est bouchonné votre vin. Alors je dis, attendez, je vais aller voir s'il est bouchonné, il n'est pas bouchonné. Alors je débouche, d'accord, je goûte et je dis, non, il n'est pas bouchonné, mais... Attendez, je vais goûter encore un petit peu. Bah, bon, et là, on m'a surpris. On m'a dit non, Théo, oui, tu oui, peux pas faire ça. C'est bon, c'est bon. Allez, on va arrêter. Ça ne vous passionne pas, mon histoire? Si. Bon, du coup, nous avons Ludo aussi ce soir. Ludo, 42 ans. Oui, c'est bien moi. Vous. Ah, dis donc, Ludo. Et il vient de sortir apparemment de prison. En effet, il a fait un trafic de faux escargots de Bourgogne. Ah, les fameux escargots de Bourgogne qui bouffer, sont hein. Si bons quand ils sont écoutez, assaisonnés. Écoutez, je me suis fait quand même un max de frites, hein, quand même. Hein. Franchement, 4 euros l'escargot, quand vous en vendez une dizaine, ça fait à peu près 50 euros. Hein. Ça fait plutôt 40, je dirais. Ah mince. 4 euros l'escargot fois 10. Et il vient de sortir de prison, mais il est pas intelligent, un celui-là. Bon calcul, oui. Bah, on est où déjà? Question dans un concours. Question hein pour un concours. Non, pas dans un concours. Pour un concon. Alors justement, ce soir, mademoiselle Amélie, ah oui, pour nous, nos candidats, vous êtes dans ouais, question pour un concon. Mais ça va, ce que je gagne. Alors, vous avez des magnifiques cadeaux. J'ai remarqué que souvent, la touche A du clavier est cassée. Ah oui, ah. Enter ah. Aussi. Donc, la touche Enter était plus chère. Donc, ce soir, dans question pour un concon, pour seulement le ou la gagnante, ah il aura le droit d'une nouvelle touche de clavier en A. Ah. Et peut-être que la semaine prochaine, mademoiselle Amélie, si nos sponsors nous suivent, nous irons sur la touche Z. Ah, c'est pas mal ça. Ah. Ah. Comme ça nous fait toute une saison. Donc, hein. Moi ça me plaît bien la touche A. Hein. Ah. Ah. Ah. Très très bien. Passons bon, à la oui, manche que, numéro 1. Oui, parce que le gars m'agace à côté. Hein. Et oui, premièrement, je vais vous poser 3 questions et 3 propositions de réponse. À vous de m'écrire votre réponse sur l'ardoise. Et bien sûr, vous avez quelques secondes et vous jouez dans Question pour un con. J'ai donné tout ce que je pouvais, je crois que j'ai... Moi, si je peux me permettre... Ah, ta gueule, toi, j'étais en taule, tu crois que ça va me faire peur? Non, mais j'ai 2 manches, moi. Je vais vous être à la première, mais j'en ai 2 à mon suite. Ouais. Et non, des manches, hein, pas des moches. Des manches. Bah moi j'en ai une à côté de moi là, une moche. Lalia, tu te demandes où elle a fait ses 14 enfants, son mari doit être aveugle. Et quand je vais en Angleterre, j'emprunte la manche. Non, non, mais c'est bon, Henri, on va leur dire stop. Oui, hein, à un moment donné, mademoiselle Amélie, c'est vous la chef. Ah oui, on va passer à la première question parce que, Henri, nous on a une vie à côté. Pouvez-vous juste me répéter le nom de nos candidats, s'il vous plaît? Alors nous avons Léa. Léa. Théo. Ok. C'est pas le même Théo qui vient. Bien sûr, rien à voir. Et nous avons Ludo. Ah. Et Ludo. Ah. Très bien. Alors, première question. Combien d'années dure un lustre? Petit A, 5 ans. Petit B, 10 ans. Petit C, 15 ans. Eh oh, là-dedans, il y a le nombre de temps que j'ai passé en prison. Moi, dans mon lustre, à la maison, il y a 5 ampoules. Ah, c'est peut-être du coup la bonne réponse. C'est peut-être la bonne réponse. 5 ampoules comme les 5 ampoules de mon lustre. Sait-on jamais? Je vais écrire la réponse sur oui, la petite ardoise. Alors... Je dessine le premier trait. Alors, nous avons du A, non, du B, du C et du C. 2 C et 1 A. Non, non. Dans, et un B, pardon. Oui, pardon. C'était très mal écrit. Eh ben, vous êtes très nuls, il n'y a aucune bonne réponse. Ah. C'était la réponse A. C'était mais... bien 5 ans, donc. Et quand on dit, oh, ça fait des lustres que j'ai rien et que j'ai pas fait ça. Eh ben, ça fait plusieurs 5 années que l'on n'a plus fait ça, effectivement. Question numéro 2. Je l'avais bien dit que mon lustre, il avait 5 ampoules. Question numéro 2. Parmi ces 3 voitures, laquelle a vraiment existé? Petit A. On n'entend pas du bruit dans le... Non, pas du tout. Hein, je vois pas de quoi vous parlez, mademoiselle Amélie. Petit A, la Skoda Tapina. Petit B, la Nissan Gigolo. Ou petit C, la Mazda La Puta. Laquelle a vraiment existé? Oui. Non, n'a pas existé. Hein. Laquelle a vraiment existé? A vraiment existé. Ah bah moi, je sais pas, vu que j'étais en tôle, j'ai pas suivi grand-chose. Hein. Du coup, je dirais la taquina, parce que j'aime bien taquiner. Alors moi, j'ai mis la C, parce que je pense... Tu bagues toi, mec, hein. Non, mais pas du tout. J'ai mis la C parce que ça me rappelle ma soirée de samedi dernier. Ok, super, on est content. Eh bien, Théo et Léa, vous avez la bonne réponse. Et quant à vous, Léo, bah pour l'instant, vous êtes à 0. Ah, ah. Ludo, si je puis me permettre. C'était Ludo. J'ai dit quoi? Vous avez dit Léo. Bah, ah, Léo, un Léa, petit mélange de Léa et Ludo, c'est sympa. Exactement. On a beaucoup plus tous les deux. Attention, troisième question. Quel animal andin de la famille des Comélidés est élevé pour sa laine? Petit A, le chameau. Petit B, le lama. Petit C, le buffle. Le buffle. Le buffle. Oui, on a compris. Alors moi, si je peux me permettre, j'ai mis la B. Parce que je ne pensais pas que c'était la A ni la C, donc j'ai mis la B. Eh ben, Léa, vous avez mis pareil, et quant à vous, Ludo, vous êtes encore à la ramasse. Hein. Bien sûr, c'était bien la réponse c'était B. C'était bien la réponse B. Ah. Non, la B, on a dit. Du coup, si je comprends bien, je suis à 0, là. Ludo, effectivement, vous êtes à 0 pour le moment, et je crois que c'est la fin pour vous. Effectivement, Ludo, vous rentrez à la maison, vous rentrez brocouille, sans rien, absolument rien, mais juste avec le plaisir d'avoir joué à Question pour un... Concon. Bravo, Ludo, vous connaissez au moins le nom de l'émission, c'est déjà pas mal. Bon bah, à plus. À plus, Ludo. Il était bizarre un peu, ce Ludo. Il était un peu lourd. Ouais, il était un peu lourd. Mais bon, le titre va avec les personnages. Non, mais de toute façon... Manche numéro 2. Ah bah, voilà. Ça tombe bien parce que moi, j'ai une deuxième manche. Alors, cette fois-ci, j'ai deux kékons... Deux kékons... deux kékons... J'ai trois... Ah, j'ai trois questions, trois propositions de réponse. Et à vous de me buzzer le plus question vite possible pour me donner votre réponse. Et bien sûr, Henri, on leur donne. Alors, pas. Évidemment, nous allons donner les buzzers. Alors, Léa, qu'est-ce que vous aimez manger dans la vie? Quel est votre dessert préféré? Réfléchissez pas trop non plus. J'espère qu'elle va pas dire tarte au citron meringuée, sinon c'est long. Hein. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, tarte au citron meringuée, c'est le mot que vous direz avant de nous tarte. Non, tarte au citron meringuée. Attends, le temps que je dis ça. Quant à vous, Théo, eh bien, Théo, quel est votre dessert préféré? Framboise. Comment ça? Vous avez mué hein? Framboise! Ah oui, pardon, c'est mieux. Vous direz donc framboise, Théo, merci beaucoup. J'ai chaud déjà de base de ma barrière. Putain, je suis. Alors. Première question. Est-ce que je peux commencer à buzzer maintenant. Quelle est la langue d'origine du français? Tarte citron meringuée. Oui, le français? Bah non. Framboise. Oui. Le gaulois. Non. Non, et pas le gaulois. Quelle est la langue originaire du français? Framboise. Oui. Le latin. Oui, le latin. Évidemment, le latin. Le latin, bien sûr. Oui, bah ici maintenant c'est la France, c'est français. Question numéro 2. De quel côté de l'assiette doit-on poser le verre de vin? Tarte citron meringuée. Oui. J'hésite. Vous avez une chance sur deux, hein. Oui, proche. Non. Framboise. Oui. À droite. Oui, oui, c'est ça. La bonne réponse. Donc, il est fort, notre Théo, hein. Bah oui, en fait, j'ai beaucoup travaillé. Troisième question. Quel animal est pampan dans Bambi? Framboise. Oui. Un lapin. Oui. J'avais. Ceci est un sans faute pour Théo. Bah, j'ai beaucoup. Il me semble que j'ai stressé. Travaillé. J'ai stressé, je suis tombée dans l'aigu. Et bien sûr, Henri, on dit quoi à notre pauvre Léa? Eh bien, Léa, malheureusement, vous rentrez brocouille à la maison. Ça ne sera pas pour cette fois, ni certainement pour une autre fois. Je vais retrouver mes 14 enfants. C'est très bien, Léa. Je leur passerai le bonjour. Exactement. Mais par contre, vous êtes un peu chiante parce qu'elle a laissé ses gosses devant le studio. Et du coup, on entend gling-gling-gling dans tous les sens. On a l'impression que c'est une colonie de vacances. Rentrez chez vous rapidement, mademoiselle Léa. Au moins, je sais qu'ils sont présents. Bah, en tout cas, j'en entends quelques-uns, mais je sais pas s'il y a les 14. Non, et apparemment, il n'y en a plus que 12. Ah, je peux même pas me faire de l'air parce que quand je fais de l'air, ça grésille dans le casque. Ah oui, dans votre micro peut-être. C'est toi qui grésille. Moi, mon casque, il grésille. Non, mais c'est votre micro qui grésille, mademoiselle Amélie. Non, c'est mon casque. Non, c'est votre micro. Ah ouais? Très bien, bon, sur ces bons mots, mademoiselle Léa, bonsoir. Et mademoiselle Amélie, c'est à vous pour la troisième manche. Alors, pour gagner ce super cadeau, Théo, tu devras juste me trouver le petit mot qui se cache derrière cette charade. Et pour cela, tu auras à peu près 30 secondes. Très bien. Et bien sûr, vous jouez pour question pour un concon. Ça tombe bien parce que les charades, c'est mon dada. Ouais. Enfin, si je puis me permettre, rapport au chameau. Du coup, c'est quoi le... Je sais pas. Votre proposition on rigole. Non, c'était même pas votre... Non, mais c'est pas rien, c'est rien, c'est rien. Je continue, j'écoute votre charade, je suis toutoui. D'accord, allez, on commence. Ouais. Mon premier a 6 faces. C'est un dé. Mon deuxième est une personne considérée comme un modèle. Un modèle, une star, des stars. Mon tout est une représentation visuelle. Une représentation visuelle. Une dé... C'est une dé, hein. Mon premier a 6 faces. Mon deuxième est une personne considérée comme un modèle. Une icône, des icônes. Mon tout des... est une représentation visuelle. Un décor. Non. Un décap... Ah, c'est terminé. Ah, j'entends ce mot que je... Enfin, ce signal que je connais, malheureusement, qui veut dire que j'ai perdu. C'est ça. Ah mince, alors. Petite explication, mon premier a 6 faces, bien sûr, c'est un dé. C'est un dé. Mon deuxième est une personne considérée comme un modèle, un saint. Un dessin, le fameux dessin. Et le tout, c'était... C'était le dessin. Une représentation visuelle. Et oui, oui. Évidemment, j'aurais dû le savoir. Ah, que je m'en veux. Mais en vrai, Henri, je m'en doutais qu'ils allaient pas trouver. Vu, je me suis dit, c'est le A, on en a besoin d'un A. Oui, non, mais c'est vrai qu'on a tous besoin d'un A sur son clavier d'ordinateur. Ça voudrait dire que vous auriez tapé vos questions sans le A d'ordinateur. On va se le garder pour nous. Ah, peut-être ça. Que le Z, on en aura un peu moins besoin la semaine prochaine et ça sera tant mieux. Donc, je suis désolé, Théo. Oui, je suis désolé aussi. Vous rentrez brocouille à la maison. Oh mince, alors je rentre brocouille à la maison. C'est ce que je viens de dire. Bon, allez, à la semaine prochaine ou à jamais. Et quant à nous, Henri, on dit merci à tous les candidats d'avoir participé. Et bien sûr, Henri, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, comme tous les mercredis soirs, pour de nouvelles questions et de nouveaux candidats. Et n'oubliez pas notre rendez-vous de ce soir, notre dîner après ça, l'émission. Ça, c'est autre chose. Ça. Ah, c'est entre nous, pardon, oui, autant pour moi, mademoiselle Amélie, autant pour moi. C'est un truc de fou, mais ce soir, personne n'a gagné, mais on s'en fout, on le garde pour nous. J'avoue, notre candidat a été mauvais. Juste après. Et ouais. Ben, on va retourner avec Docteur Wu. Yes. Bah, on va essayer de le trouver en tout cas. Bah, on va commencer notre enquête. On va voyager un petit peu. Je rappelle hein, le principe Docteur Wu. Je sais pas si vous connaissez, hein, mais un docteur qui est là pour le coup perdu sur une planète. Oui, parce que Docteur Wu. Bah, où qui? Où qui? Docteur What? Il est où? What? Où? Comme ça? C'est mauvais, mauvais. C'est mauvais. Mais non, c'est vrai. Contrairement avant... à la musique qu'on écoute. Oui, on va reprendre un peu de force et en attendant, on va écouter Doria Granita. Ah, oh, on l'aime bien, Doria, sur Indestar. Et c'est le temps à bouffer des granités, ça. Actu Solite, 21h, 23h le mercredi, uniquement sur Indestar. Je me suis dit, t'es en train de me sentir le dessous de moi. Ouais, c'est ça, tout le monde l'a vu. Putain, j'avais oublié. Ouais, je rappelle qu'on est sur Twitch, hein, si vous cliquez sur le bouton. Alors, le son est pas top, on s'en excuse, mais vous avez l'image et vous pouvez garder indestar.fr pour écouter le son. Bien si sûr. Vous voulez voir nos têtes et si vous voulez voir les dessous de bras d'Amélie. Non, mais j'ai chaud et du coup, en fait, je me suis relevée et j'ai cru sentir une odeur pas très agréable. Et en fait, c'était une odeur pas très agréable. Ouais, mais je sais pas d'où elle vient. Ah, c'est pas de toi? Non, c'est pas de moi. Ah bah, c'est regarde à côté. Hein. Non, mais c'est pas moi. Déjà, je lève pas les bras, donc tu peux pas. Lève les bras. Je te fais sentir mes sous-bras. Danse avec moi. Non, ça t'intéresse. Jean en short et Angie là-bas. Non. C'est quoi ça? Il a toujours des rêves que personne n'a. MC Solar, tu vas pas me dire que tu connais pas MC Solar. Ça me dit quelque chose, ça. Oh, lève les bras et danse avec moi. Quoi en jean, en short, en jean là-bas. Nanana, comme ça. Solar pleure. On a déjà entendu un truc. Mais oui, mais bien sûr, Caroline. Tu sais, je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. Ah voilà, ah, c'est ça. Solar pleure. C'est bon, allez. Il y en a plein, MC Solar, c'est cultissime. Est-ce qu'on peut se remettre dans le bain. Et plus que ça, vous allez vous remettre dans la cabine. Comment ça s'appelle la cabine le là TARDIS. Le TARDIS, voilà, de Dr. Who. Le TARDIS. Le Stardis, ça juste une botte de nuit. Non, Stardis, ah, le Starbucks. Ouais, c'était Starbucks. C'est ça. Et alors, donc pourquoi? Parce que le Dr. Wu est perdu, enfin il a été capturé sur une planète qui est dirigée par des femmes. Et on sait tous que la les femmes sont très très méchantes. La planète cachée, t'as dit. La planète cachée, exactement. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il est caché? Et on peut dire qu'il s'était caché, attention. En tout cas, il va falloir le retrouver. Oui, je sais. Non, toujours, Radoc, tu sais. J'espère qu'il y a la clim hein, dans leur Stardis. Ah bah évidemment. Leur Stardis. Dans le TARDIS. Dans le TARDIS. Ouais, il y a la place. J'espère qu'il y a la clim. Il y a place pour avoir la clim parce que c'est plus grand à l'intérieur. Ah ouais. Voilà. En plus, il y a une piscine, il y a une grande bibliothèque, il y a des chambres. Une piscine. Ouais. Évidemment. Ouais. Et dans le TARDIS. Et à un moment, la piscine, elle s'est. Et après notre enquête, on va demander de faire un tour dans la piscine. Ouais. T'as le droit. Mais c'est ta cabine. On rappelle qu'on l'a donnée. Ah ouais, la cabine, la TARDIS. Jusqu'à la fin de la saison. Bon, allez. Ouais, parce que c'est déjà pas mal. C'est un emprunt. Ah, c'est ça. Embarquement immédiat. Ciao, les girls. Ciao. Oh la vache, ça me donne le tournis de cabine. Faut que je demande à Théo de nous ajouter un sac à vomi. Bah non, moi je trouve que ça va, j'aime bien moi quand ça tourne. Ouais bah j'ai bien vu, toi t'es en forme là. Moi j'ai les boyaux tortillés de partout. Tu peux nous dire ce qu'il a marqué là Théo comme endroit là où on peut aller? Alors il a dit qu'il fallait qu'on aille à l'office du tourisme. Donc pour prendre des brochures et voir ce qu'il y a dans le coin. Super, il se fout un peu de notre gueule là. Non parce que franchement, mais attends. C'est qui le gars là-bas sous la couverture là? Je le connais là, lui. Attends, viens, on s'approche. Monsieur? E.T. téléphone maison. Je me cache sous cette planète depuis que ma soucoupe s'est crachée. Oui, je sais, elle se crache souvent. C'est Didier qui était censé changer le carburateur, mais il a quitté le garage pour se consacrer à sa grande passion, les drag race de soucoupe. Du coup, il a rajouté un grand aileron sur la sienne pour aller plus vite. Enfin bref, en attendant, je suis ici et je me cache pour pas être réduit en esclavage par les commandeuses du royaume. Et vous, vous êtes en visite? Non, on est là pour essayer de trouver le docteur Wu. Ah, mais je connais le docteur Wu. Il était venu à la maison pour réparer une étagère avec son tournevis magique. J'ai son number. Je peux lui envoyer un texto pour savoir où il est, s'il vous plaît. Allez-y. Ok. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Allez, on fait ça. IT, téléphone, portable. Voilà. Alors, j'écris une SMS. Bon, par contre, j'avoue, je suis pas doué en orthographe. Il va falloir me relire pour corriger les fautes. Alors, bonjour, docteur Wu. C'est IT, téléphone, maison. Je crois. Non? Non, c'est pas ça que j'ai écrit. C'est E.T. l'extraterrestre. C'est E.T. l'extraterrestre? Oui, c'est bien ça. Pouvez-vous nous indiquer votre raison de votre visite? Non, je rigole. Votre position? Oui. Où? Ou un... Non. Si. Ou un... Un indice. Oui. Ou un indice. Oui. Je dis oui. Afin que l'on puisse vous... Localisé. Oui. Et vous? Situé. Non, non, non. Et vous, sauvé. Sauter. Non, et non, vous, non. Et vous, sortir. Oui, oui, oui. Du. Et vous sortir du. Du pas, du pied. Du peu. Ah, je me rappelle, j'ai écrit du pétrin. Ah, du pétrin. Ah, oui, oui, oui. Ça, c'est l'eau. C'est pas fini. SMS-ment, tout à fait. Iti. PS. Non. PS A. Ah! Ah! Oui, j'ai dit comme ça, j'ai dit ah! Ahan! Ahan! Ahan! Fa! En fait! En fait! En fait! Ouais! Je vous. Je vous trouve. Oui. Génial! D'accord, oui, c'est bien ça que j'ai noté. Bonjour, Docteur Wu, c'est X-Til extraterrestre. C'est X-Til? X-Til extraterrestre. Pouvez-vous indiquer votre position ou un indice afin que l'on puisse vous localiser, vous sortir du pétrin? SMS-ment, ITI. Ah, en fait, je vous trouve génial. Merci. Envoyez. Ah, pardon. J'espère qu'on va avoir de ces nouvelles. Ça serait dommage de perdre un grand de la pop culture. Vous n'auriez plus rien à raconter dans votre émission Peak Avenger. Voilà. Je prends votre 06 aussi comme ça. Si j'ai des news, je vous préviens. D'accord, ben on s'échange. Voilà, et puis si vous voulez qu'on aille boire un verre ensemble. Non, mais allez-y, 09 70 407 306. Voilà, j'ai mon profil Tinder, n'hésitez pas. A plus les girls, et n'oubliez pas, téléphone, Iti. Il était un peu spécial, je sais pas. Ouais, mais j'aime bien le perso. Ah bah c'est Iti, hein. On voit, c'est vrai qu'on le voit pas comme ça dans le film de Spielberg, mais il s'est lâché depuis. Hein. On voit le petit doigt. Ouais, on a l'impression qu'il est tout mimi, etc. Mais maintenant, il est ado, il drague. Ah, et déjà, je viens de penser là, Anaïs, elle sera contente après. Parce que. Elle a son jingle préféré qui arrive. Ah, c'est quoi? Ah, non. Oui, toute une Anaïs. Toute une nana. Toute une Anaïs. C'est pas tout de suite, c'est maintenant, c'est après. Mon boudin de réglisse. Oh. Mais avant ça, on écoute l'UFO, American Boy. Ah American Boy, c'était la reprise, enfin c'est un remix de, tu sais, Jean-Paul. Oui, American Boy. Voilà, c'est ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Et voilà, et après Dico Dango, et puis voilà. Dico Dango, le Dico Dango. On reste dans la bonne humeur. C'est bien sûr, Actu Solide, c'est tous les mercredis soirs, et c'est maintenant que ça continue. Il paraît qu'écouter Actu Solide renforce vos défenses naturelles. C'est faux. C'est une grosse arnaque, mais ça fait vendre. Ça fait vendre. Sont nos amis pour la vie. Des stars. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. On aime le jus de fruits, aussi tout ce qui est plein de fruits. Tout ce qui est quoi? Non, c'était mauvais. Hein. Tout ce qui est quoi? Plein de fruits, j'ai dit. C'était pour rimer avec fruits. Fruits, ça rime avec fruits. C'est bien. Oh, j'étais dehors, j'étais bien dehors, les gars. Ouais, c'est vrai que dehors, il fait meilleur. Donc en fait, on peut pas avoir un toit ouvrant. J'ai peur que si on met le toit ouvrant, il soit toit ouvrant en cas de pluie aussi, ce qui serait un petit peu problématique. Ouais. Donc autant laisser le toit. Hein. Ouais. On n'a pas de petite musique de fond, là? Non, parce que nous allons commencer ma rubrique. Aïe. Je suis en train de préparer laquelle c'est déjà la tienne. Le mercredi soir, je prie ma guitare. Là, ça ne. Ta, c'est la mienne. Pas celle-là. 1, 2, ah, oui. Et content, hein. Bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? En as-tu assez? Ouais, c'est bien, c'est large. Ok. C'est large. C'est largement. C'est une contraction, c'est parce que je suis un professionnel de la profession. C'est le moment de chanter. C'est éclate l'autre, hein. C'est le moment de chanter la chanson, le jingle de ta rubrique qui s'appelle Toute une Anaïs. Exact. On a été le chercher loin. Tu te rappelles le beatbox, Amel? Ah oui. Poum, non. Poum, poum, cloum, ta te tu tung clac. Poum, clac, poum, poum, clac. Ta poum, clac, poum, poum, clac. Ta poum, clac, poum, poum, clac. When I was that morning, I lean on telecommand, I win a star and ice, I'm pinned on the TARDIS, I rained on the regular ice, rained on the southern ice, one that they can fight, a little lot of wind on shy, Tutti nana, all the anais. Tutti nana, all the anais. Tutti nana, all the anais. Tutti nana, all the anais. Yeah! Punk, punk, punk, punk, punk, punk, punk, punk, punk, punk, punk, punk, punk, punk, punk, punk. Et le pire, c'est qu'il serait à moitié bon, ce enculé. Hein. C'est grave. Ouais, mais je sais, c'est le talent, c'est naturel. C'était bon. Fini déjà. Oui, t'as vu, c'était de l'anglais avec mes mots. Oui. Qui nous a ouais, quand même mis le mot sodomie hein, dedans. Non, c'était sodomize. Sodomize. C'est pas pareil. Je suis pas sûre c'est très différent. Qu'une personne américaine ou si, anglaise si, si, sodomize, est capable attends. De comprendre de ces mots-là. Tu te le commandes. Réglisse. Sodomize tardis. Oui, enfin bref. Et du coup, ça consiste en ah quoi? Ah, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas dit le. Ah, tiens. On chante le principe de la rubrique Anaïs. C'est nul. Tout est déjà prêt. C'est quoi déjà le principe de ta rubrique? Alors, je vais vous proposer trois expressions. D'accord. Plus ou moins anciennes, hein, plus d'accord. ou moins faciles. Il faut plus trouver ou moins la suite ou le sens de l'expression. D'accord. Exactement. Elle va proposer des expressions. Nous, on va deviner quel est le sens. Ou bien la suite, si on ne sait pas. Mais c'est Anaïs qui décide. Et ça fait beaucoup de mots. En une seule phrase, c'est trop. Voilà. C'était pas fou. C'était pas fou. C'est vrai que, tu vois, autant la chanson, on est venu pour le concert, autant le... Ouais. Tu vois, le surplus, c'est oui, de donc trop. On va laisser Anaïs faire. Hein. Ouais, ouais ou alors t'essayes de le préparer un petit allez, peu. Allez, vas-y, tiens, préparé. Alors, vous avez donc compris le principe que je ne redirai pas pour des raisons de temps. Mais c'est y'a Anaïs, pardon. Il alors, s'arrête pas ce soir. La première expression, vous allez devoir me deviner la signification. Oui. Déménager à la cloche de bois. Alors, déménager, déjà, tu déménages. C'était mon premier indice. D'accord. Alors, moi, je dirais tu déménages sur le tôt tard. Le matin. Moi, c'est non, tôt le matin. Sur le tard, genre, au bout de. Demain, non. Tu te rends compte que tu déménages et que vite, faut que tu fasses les cartons. Bah, t'es ouf. Genre, évidemment que tu sais avant que tu vas déménager. Et non, mais t'as trop, tu t'en rappelles pas. Non. Non, moi, je pense que vraiment, c'est tôt le matin. À l'aurore, quoi. Tu dis, non. Ah, on déménage et tout, parce que faut faire les cartons tout de suite. Non. Alors, la cloche ou de juste bois... préparer un déménagement. Non, je pense non. que c'est parce que tu es contraint de déménager. Non. C'est parce que bah, t'as envie de déménager. Dans tous les cas, tu déménages. Là, c'est Anaïs sûr que tu, vois non, tout. Ah. Tu fais les cartons, du coup tu emballes, et là la cloche de bois, tu emballes dans mais des. En fait, je viens de voir, je crois. J'ai vu s'enfuir et inconnu. Ça, c'est les indices. Pour le mot numéro 2. Bon, s'enfuir et inconnu. Déménagement, enfuir et inconnu. Enfuir. Eh ben, c'est quand tu t'enfuis parce que t'as un inconnu qui te poursuit. Non, tu t'en vas vers de nouveaux horizons, mais tu sais pas vers quoi tu vas t'en aller. C'est non. une nouvelle expérience, une nouvelle aventure. Mais non, tu changes d'identité. Non. Ça t'arrive souvent, cette histoire? On sait jamais. On sait jamais. Poum, poum, poum, poum, poum. Vers la cloche de bois. Oh, je sais pas, j'ai... C'est quoi les indices, rappelle-nous? Ah, mais c'est quelqu'un qui devient un curé. Non, déménager, s'enfuir et inconnu. Après, je sais pas si les indices sont bien foutus. Bah, hein, je sais pas, ils sont... je me dis, tu. Silence. Ça pousse. Ça pousse. Blague de merde. Oui, oui, oui. Chips. C'est une indice, un indice. Silence. Vivre à la campagne. Non. Ah, mais... Non, c'est quelque chose que tu fais quand tu déménages. Oui, tu loues un camion. Chez Kiloutou. Tu loues. Non, c'est. Bah tu embauches des gens, tu dis les copains viens on va s'amuser, il y a de la pizza et en fait bah, je vais juste les embaucher non, pour déménager. Moi je vous propose de vous donner la réponse. Ouais, ouais. Propose-nous là. C'est déménager en toute discrétion et sans communiquer sa nouvelle adresse. Ah ouais, genre d'où inconnu s'enfuir Ah tu d'accord. Vois. OK. Mais okay. Bah, je la connaissais pas. Ça s'est vu hein. Et je pense que ça aurait pu durer très longtemps. Ça aurait pu. Oui. Bon, deuxième expression également à trouver la signification. Ouais. Monter au nu. N U E S. Faire l'hélicoptère. Non. Monter à l'étage. Non. C'est monter très très haut. Non. Monter au nu. Ah non, c'est... Je monte au nu, c'est un petit peu... Je la colère m'envahit. Non. Ah, ouais, tu vois, quand tu sais, quand tu... Ah, mais si, parce mais que ouais, en fait... Tu vois. Non, tu sais, quand tu la joues au bluff, ça marche. Ouais, quand t'es énervé, que tu montes l'escalier, on va dire... Ah, comme un éléphant. Il y a deux significations. D'accord. Dont l'une, C'est ah, je vous monté ai pas en pression dit un peu. Déménager la cloche de bois date du 19e siècle. Ok. Monter au nu, alors c'est une personne qui se met brusquement en colère. Ouais, monter en mais pression. Mais deuxième signification, je vous laisse la deviner. Ah merde. Ah, j'ai vu la première, c'est à mettre de deviner la deuxième. Je donne le premier indice, c'est réussite. Gagner quelque chose. Non, je pense que tu atteins ton but. Tu vois, t'avais un objectif, tu l'as atteint. Non. Monter, je suis monté tu au nu. Tu montes en Graal. Non. En grade 2, pas en Graal. T'as atteint le Graal, c'est mais tu montes en grade. C'est quelque chose que l'on obtient en travaillant énormément. Dur, dur, dur. Bah oui, il y a un diplôme. Non. Une sorte de. Gagner beaucoup d'argent. De carrière. Non. Réussite. Mais quand tu réussis ta. Ouais, voilà. La carrière. Quand t'as une réussite, qu'est-ce qui se passe eh ben, auprès des gens. T'as la gloire, t'as. T'as la fierté. La fierté, t'as. T'as les sous. Mais encore. Les sous, ouais. Tu peux payer un resto pour tout le monde sans que ça te fasse mal au cul. Voilà, il y en a une qui a réussi dans le studio. Dans ces cas-là, tu as un énorme. Pas du tout. Pactole. Non, tu as un énorme cul. Tang, tang, tang. Par rapport aux autres. Ah, tu as un énorme style. Un énorme. Tu as un énorme bulletin. Butin. Non. Comment la, butin, la carrière mais... en soi, on dit que c'est une réussite, on dit que c'est social. Un. Social. Non, c'est un. C'est un succès. Succès. Un succès. Un succès, oui. Un succès. Et bah, c'est avoir un énorme. Un, c'est quoi un succès. Un immense succès. D'accord. Donc, c'est pas du tout vie à la professionnelle, quoi. C'était juste un bah, exemple. C'est quelque bah, c'est chose que l'on obtient. Mmh. Que l'on peut obtenir à. Oui, enfin bref, troisième. C'est bien aussi. Vous allez devoir me deviner la suite. Mmh. Casser, se casser la nénette pour. Rien. Bah ouais. C'est pour rien. Bah ouais. C'est nul. C'est nul, allô. J'aurais dû mettre nénette. Bah ouais. Bah voilà. Ok. C'est s'être donné du mal comme j'ai fait ce soir, mais. Pour rien. Pour rien parce que ça a été trouvé. Eh, hey, comment je l'ai trouvé. En plus, t'as au hasard. Hein. Ouais. Ouais. Ouais. Comme toi pour tout à l'heure, hein, monter à nu. Hein. Non, je suis désolé, je savais très bien que monter à nu, c'était monter en pression. Oui, c'est sûr. Mais non, mais t'as remarqué que plus t'y crois, plus et ça plus... marche. Ouais, mais ça marche que pour et toi. Oh, hein. Moi, j'y ai pas cru, j'étais en mode pour rien et pourtant j'ai réussi. Hein. Bon, ça marche bah, aussi. Devrais... L'inverse est vrai aussi. Tu te sous-estimes, tu ouais. Devrais avoir plus confiance en toi. Et quant à moi, mes chers monsieur, madame, je vais vous faire deviner des mots. Des bisous. Non, mesdames et messieurs, ce soir on va commencer. Le dico dingo, c'est le dico dingo. C'est le dico, dingo. Alors là c'était vraiment un chier hein. Non c'était totalement bien. Non parce que t'as regardé Anaïs en mode avec tes gros yeux. En mode je sais pas ce que je fais mais j'ai ouais, quand même. Puis moi je te regarde en mode quand est-ce que je dis ouf. J'allais venir mais après. À moi. Ah merde, non, peut-être que je vous fasse de, vous dise à quoi ça. Bah oui, de quoi c'est le dico dingo à part les wouf wouf et les dico dingo. Je vais vous dire trois mots et vous devez me dire la définition et j'ai trois indices au cas où vous y arrivez pas. D'accord. Premier mot, cancan. Bah les, le cancan c'est un oiseau. Non, pas du tout. Le cancan quand on c'est le les comment les bruits de couloir quoi les on rumeurs. Entend les rumeurs voilà. C'est non, ça en plus. Bah oui, évidemment. Ah le ban. Mais non mais ça je le sais. Attends. Je pensais que t'allais me dire genre cancan. Tu sais genre c'est pas les musiques là tout tout tout tout. Ah les French cancan ça. C'est le French cancan ouais. Ah j'ai cru que t'allais me dire ça. Bon bah écoute deuxième mot hein. Ça va aller vite. Jirel. Ah non ça va aller moins vite. J'irai là où tu iras. J'irai là où tu iras. C'est trop bien. Merci. Ouais j'avoue pour une fois que t'as dit. Ah merci. Est-ce que ça ressemble à une girouette ou rien à voir? Une girafe. Rien à voir. Une girafe de façon femelle. Jirel. C'est pas mal. Une petite girelle, c'est okay, pas un animal. Hein. Pas deux. Ça ne ressemble pas à un animal du tout. Est-ce que c'est un instrument, instrument de musique? Non, un outil. Un outil, ouais. Non. De musique, de cuisine. Un truc de bricolage? Non. Non, une girelle, on l'utilise pour faire quelque chose, une girelle. Non, oh, une petite girelle, non, non. Est-ce que ça se mange? Mais vous n'avez pas posé de question si c'était pas un animal? Bah si. Ah, c'est un animal? Oui. Tu demandais si c'était une girafe, tu m'as dit non. Non, mais c'est pas dit animal. C'était trop sectaire ton truc. C'est une sorte de crocodile, d'alligator? Non. Non, je pense que c'est plutôt comme une gazelle. Non. Un antilope? Il y a quatre pattes? Non. Il y en a deux, y a deux pattes. C'est un canard? Non. Enfin, c'est trois pattes. Trois pattes, voilà, c'est un canard. Il y avait trois pattes. Il y a cinq pattes. Non, il y en a 6 pattes. C'est un mille pattes. C'est un mille pattes. Non, il y a 900 pattes. C'est une araignée avec 8 pattes. Il y a non. Une patte. Il n'a pas de pattes du tout, du coup il vole. Oui, c'est un il oiseau. Rampe, non, il rampe, il a pas de pattes. Il a pas de pattes, il rampe. Il rampe. C'est un serpent. Il vole. Non. Attends. Il vole. Il vole pas. Il a pas de pattes. Il rampe pas. Aquatique. Qu'est-ce que c'est que ce c'est? Aquatique. Ah, un poisson. Il nage. Oui. Ah. Est-ce que c'est un dauphin? Mais il. Non, j'ai envie de dire c'est un poisson. Non, c'est une girelle. Par contre, un dauphin, c'est un poisson qui a une particularité physique. Oui. Bah d'être une girelle, par exemple. Non. C'est un poisson qui n'a pas de nageoire. Ah, c'est il et elle. Il. C'est juste un poisson avec des couleurs vives. Ah ouais? Genre fluo et oh, tout. Oh, c'est une girelle ça! Oui, bah oui, t'as vu, il est orange. Ok. Il est bleu. Non, mais vous arrêtez d'être déçus là pendant que. Non, mais on s'attendait à un truc un peu plus. C'est bête parce que je me suis dit, je vais stylé, en plus. Quoi. Je me suis dit, ouais, ça va pas aller plaire de fou. Ouais, et j'étais pas loin, girafe. À moi! À moi, oui. Troisième mot, là, ça m'étonnerait que vous avez trouvé. J'assois. Oh, c'est jasmine! Bah, j'assois. C'est une plante? J'assois, je suis déjà. J-A-C-C-D-O-I-S. Alors, j'assois, c'est une sorte de plante. Non. Bah, c'est ce que j'ai dit au début. Oui, je sais. J'assois, c'est un outil. Non, un instrument. C'est une. C'est une un démarche. Métier. Un métier. En ce moment, j'assois beaucoup. J'assois mes idées, j'assois. J'ai soif, du coup, j'assois. J'assois. Est-ce que c'est. C'est un objet? Un métier? Non, premier indice, ça remplace un mot. Un synonyme. Oui, bah alors. Non. Quelque part, oui. Un antonyme. Un entonnoir. Indique la concession. Indique la concession. Je fais des concessions. Je fais et des. Et vu que c'est concessionné, bah c'est j'assois. J'assois, c'est-à-dire ouais. Ça remplace un mot qui indique la concession. Ouais, des efforts. Non. C'est quoi une. En gros, c'est un mot comme encore. Ah, c'est. Un subordonné, un subordinatif. Qui doit être subordination. ça veut dire. J'assois et en plus. Afin. Mais faut me trouver les mots. Afin. Afin. Non. Quoique. Ouais. Quoique. Mais non. Oh, le hasard. Quoique, bien que. D'accord, voilà. J'assois. Afin que. Ah, attends, mets en contexte. Tu dis quoique. Ok. Tiens, on va passer une musique. Quoique, je passerais bien plutôt un titre d'Anna Free. Non, ça marche pas. Je vais passer une mauvaise musique. Quoique, je passerais plutôt un titre d'Anna Free. Ok. Alors, je passerais bien une mauvaise musique. J'assois plutôt un titre d'Anna Free. Ça passe. Ouais, vite fait. Hein. Bah, moi, je trouvais ça bien. D'accord. Moi, c'est dans le dictionnaire, de toute façon. Oui, bah oui. Bon, bah, alors ça marche. Non, je les ai inventés moi-même. J'ai trouvé, je suis choquée. Non, franchement, je suis choquée. J'assois, on passerait bien du Vidia. Oui. Quoi? Non. Oui. Lean On. Lean On, c'est la reprise de Major Lazer. Et bien sûr, juste après, on retourne avec Docteur Who. Ouh. Mais ne quittez pas. Ah non, non. Non, ne quittez pas. Neon sur Indestar. Actu solide, le défouloir d'Indestar, c'est ça. Toi, tu parles anglais, moi je traduis. Ok. Maintenant, you and me. Vous et moi. It's a rubrique. Dans la rubrique. Actu solide, tous les mercredis soirs, dès 21h sur Indestar. Eh bien oui, le mercredi soir, vous avez rendez-vous avec Actu solide, 21h-23h. Et c'est le moment qu'on n'a pas annoncé. C'est le moment du record. Alors, qu'est-ce qui se passe ce soir? Eh bien, tout simplement, déjà, c'est visuel. Donc, vous allez aller, si vous êtes en direct sur indestar.fr, vous avez le petit onglet Twitch, en violet. Vous cliquez dessus et là, vous nous voyez. Alors, encore une fois, désolé pour le son parce que c'est pas terrible. Par contre, en image, c'est plutôt bon. Vous nous voyez en direct live dans l'open space d'Indestar. Anaïs n'a rien. Amélie, par contre, a un bâton. C'est un manche à balai. Bleu. Exactement. Alors, quel est le principe? Pourquoi tu nous mets le manche à balai bleu comme ça au-dessus d'un escabeau? Parce que si. Ah, attends. Ouais, tu voulais parler. Ah oui, tu n'as pas le micro, je ne peux pas parler. Parce qu'en fait, on va devoir passer en dessous, tu sais. On se penche. En mode contorsionniste. Par exemple, je passe, j'arrive sous le balai. Là, ça va, c'est ta taille. Ah ouais, c'est vrai que j'ai même pas besoin de me baisser là pour le coup. Mais évidemment, vous vous en doutez bien, plus ça va aller, plus on va baisser pour arriver à la première marche de l'escabeau qui fait environ 10 cm. On a le droit de passer en rampant à la fin? Allez, s'il te plaît, vas-y, c'est mieux. Ouais, bon, on verra si tu passes. Allez, attention, on y va. Première manche, on met tout en haut. On va voir si Anaïs passe tout en haut. Amel, allez, c'est parti. Voilà, attention, suspense magistral. Ça passe. Est-ce qu'on est obligé de faire tout le monde? Non, on va déjà baisser, hein, direct. Déjà, ah, tu mets au milieu, là? Ok. Ah, c'est ton premier palier. Ok, ça passe aussi, je peux. Ah, elle fait tout? Ah, d'accord, ok, très bien. Allez, Anaïs, attention, là, c'est déjà nettement plus compliqué. Je suis pas sûr de pouvoir passer, mais ça passe. Non, ça passe. C'est passé. Allez, attention, manche suivante, on baisse une marche. Est-ce qu'elle va y arriver? Là, c'est hyper compliqué là. Allez, vas-y, ça essaye. Ah, la poitrine passe, la tête. Non, ça c'est triché. C'est triché. Refais, t'as droit à un essai. Refais. Allez, dernier essai. On est qu'à la avant-dernière marche de l'escalade. Hein. Ouais, bah faut réussir, c'est ça le mot. C'est. Allez, on y va, on y croit. Non, mais décidément, ça passe pas. Bon, bah c'est un échec total. À moi? Ok, d'accord, prends le micro. Allez, vas-y. Première manche. Sans doute. Comment on dit? Sans grand étonnement, tu gagnes? Ouais. Deuxième manche. C'est passé, mais j'ai l'impression que ça commence à être juste. Hein. Alors là, c'est compliqué. On a tenté de le faire tout à l'heure, il n'y arrivait pas. Donc, est-ce que là, aucune souplesse, franchement, aucune souplesse. Ouais, non. Recommence. Notre quatrième? 1, 2, 3, quatrième? Vas-y, là où je me suis raté, il va se rater. Allez, j'ai eu 3 chances, on te donne encore 2 chances. Allez. Allez, vas-y. C'est impossible. Ouais, bah, tu n'y arrives pas, quoi. Réponds-toi. Regarde comme il regarde la barre. Non. Abuse pas. À moi. Allez, vas-y. Allez. Première manche, normalement, ça devrait le faire. Allez, vas-y. Oh. T'imagines, elle le rate, elle est capable. Deuxième. Putain, mais j'ai l'impression qu'elle fait plus bas que nous, non? Ouais, j'ai l'impression. Allez, vas-y, troisième. Oh, putain, mais elle me choque. Attention, tout le monde a raté ici. Hein. Un peu plus bas. Un peu plus bas encore. Putain. Elle fait comme moi. Vas-y, deuxième chance. Est-ce qu'on pourrait pas faire une manche entre les deux, si je puis me permettre? Genre là, on fait vraiment entre l'avant-dernière et la dernière. Bah mais on n'y arrive pas celui-là, je le rappelle. Attends, je vais tester, j'ai moi une chance. Oui, vas-y. Si. Essaye niveau en dessous. Allez, niveau en dessous. Non mais là, il y a de la concentration, on n'a rien dit. Hein. Alors, là, on teste la version 40 cm. Bah si, c'est impossible. Un peu de souplesse, que diable. À quatre. Alors, vas-y. Alors là, essaye de passer. Non, c'est mort. Hein. Elle est morte. Mais ouais, mais elle va quand même bien gérer. Essaye celle-là, en passant en rampant. Non, tu veux pas essayer? En rampant. Alors, vraiment, c'est le délire. Hein. Il reste 20 cm avant le sol. Amélie, essaye de passer en rampant. T'as vu son cul? Ben regarde le cul. Ah non, le cul passe pas. C'est vrai que le cul passe pas. Hein. Ça marche bien. Je... Voilà, comme ça on a nettoyé le studio gratuitement. Merci beaucoup. C'était le record du soir. Bon, on espère que ça vous a plu, que vous avez pu suivre en direct. Nous on est reparti avec de la musique évidemment sur Indestar dans Actu Solite. On va écouter Fatigué de Nola. Vous êtes fatigué? Oui. Mais non, faut dire on n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Et bah j'espère bien parce que dans un instant il va falloir repartir. Mais on a trop transpiré. J'ai grave chaud, sa grand-mère. Et prendre le Tardis pour aller sauver le docteur. Ouh. Actu solide sur Indestar, il y en a pas deux et c'est pas plus mal. C'est clair. Oui, on va se compter. C'est clair, t'imagines deux émissions comme la nôtre? En fait, je vais arrêter de parler parce qu'à chaque fois vous parlez en même temps que vous les tous, vous avez trop peur, mais... je me braque. Non, mais c'est pas ça, mais c'est parce qu'on a envie de faire des trucs. Et confiance. Moi, je parlais même pas. Non, pour une fois, t'as été sage. Oui, je suis très sage. Oh, j'ai chaud. Et je m'en remets pas du. Du record? Bah ouais, non, mais c'est vrai qu'il fait 40 degrés dans le studio en même temps. Ah, tu cours? Ah, je dirais au moins 55, putain. Et on a repris notre douche, les gars. 28 degrés à l'endroit. Comme dirait Jean-François Maurice. Eh mais heureusement qu'on pue pas trop la susu parce que... C'est vrai, on est propre, mais à un moment donné, on perd toutes nos trop. On va mourir de... D'hydratation. Mais même dehors, on va dehors en mode style... Si vous êtes dehors dans votre piscine, ouais. Nous on est sortis dehors en mode... on va se rafraîchir, pas du tout. Bah un petit peu quand même, mais on n'a pas eu... La musique n'est pas suffisamment longue pour ça. En tout cas, merci d'être sur Indestar et vous allez suivre évidemment l'enquête avec nous, mais vous pouvez même aider l'équipe à résoudre cette enquête. L'enquête, c'est quoi en fait, Amel, ce soir? On doit retrouver Docteur Who qui s'est fait emprisonner par une planète de filles. Ouais, c'est ça. En fait, caché. Il allait sur cette planète et je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, les scénaristes ont perdu Docteur Who, donc forcément, pour continuer la série, c'est plus compliqué. Et on a un premier indice qui est PK Avenger. PK Avenger, l'émission du jeudi soir, 21h-23h, que vous suivrez demain sur Indestar. Tu sais, c'est quoi la devise de... La devise de... De Docteur Who? Non. On ne fuit pas. On ne fuit pas. On court. On court. D'accord, très bien. Non, genre, quand il y a une situation, qu'il voit qu'il y a quelque chose qui va pas, il faut pas fuir. Faut courir. Il va pas fuir. Mais tu peux être sûr que dans chacun des épisodes, il va courir. Ouais, rien ne sert de partir à point, il vaut mieux courir. Voilà, donc nous on retourne. Qui sait s'attendre, à qui sait attendre. Donc nous on retourne sur cette planète. Qui vient à point, à qui sait attendre. Oui, vous prenez le TARDIS, hein, c'est la petite cabine téléphonique qui vous permet de voyager dans le temps et dans l'espace. On va faire un saut dans la piscine en attendant. Et vous allez faire un saut dans la piscine du TARDIS en attendant. Je compte sur vous pour résoudre cette enquête, les girls. C'est parti. Désolée, ça me donne des rots parce que tout à l'heure j'ai fait du manège un peu dans le Sardis et du coup, fou. Je sais pas comment on va retrouver le docteur ici, Anaïs. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est mal organisé cette planète. J'ai vu aucun panneau depuis que je suis là. Et puis même la route, elle est jaune, c'est moche, dégueulasse. En fait, je sais pas ce que t'en penses, mais le mieux, ce serait qu'il y ait marqué, qu'il y ait un panneau en marquant que Docteur Who est là, tu vois, il est enfermé ici, mais je pense pas que ça va arriver, quoi. Non, mais rêve pas, dans ces cas-là, on serait pas là pour l'enquête, quoi. Mais tiens, on va rentrer là dans ce glouglou là. Ça a l'air d'être un bar PMU chez vous, chez nous. Oh, en plus, regarde, il y a un concert de prévu ce soir qui s'appelle Miss Cressel. En plus, ça a l'air d'être elle. Il y a pas mal de monde en plus. Tu permets que je dise bonjour à la dame? Vas-y. Bonjour madame. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, oui. Bonsoir. Je m'y attendais pas, vous avez un physique tellement... Avantageux. Avantageux, c'est ce qu'on dit. Généreux. Oui. Ah, désolé, je suis un peu pressée. Je dois me produire dans 10 minutes. J'ai pas répété, là. Je suis pas bien là. Vous êtes des terriennes? Oui. Oui. Ah, cool. Bah, vous allez m'aider à identifier les reprises que je voudrais chanter. Parce que j'ai des idées, mais j'ai plus vraiment les titres en tête. Hein. Pas de soucis. Alors, c'est très éclectique, par contre, au niveau des genres et des époques. C'est très quoi? C'est très éclectique. Il y en a pour tous les goûts, quoi. Non, bien sûr, les goûts. Mais là, la première que je veux faire, c'est une musique de film. Ça fait un truc comme ça. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. J'ai pas le titre. Oh, c'était Irène Cara. Voilà, Irène Cara avec What the Feeling. What the Feeling. Enfin bref, je voulais faire du rock aussi hein, ce soir. Alors j'avais ça en tête. Sur sa voiture aussi. Et ah oui, c'est comment elle s'appelle déjà? Jay Johnson. Jay Johnson, évidemment. Oui. Crazy. C'est mon amour. C'est comme ma. Oh, trop bien. I like me. Ah, sinon, je prends. I like me crazy. Je prends des classiques aussi. Il y a votre extraterrestre à vous là sur Terre. Comment ça s'appelle? C'est. Docteur Who. Non, attends. He wanna love me. Michael Jackson. On est entre, ah oui, Michael Jackson, Billie Jean, oui, yes, c'est ça. Vous êtes française? Bah oui. Oui, bah je pourrais chanter une chanson française. Qu'est-ce que je connais? Attends. Ah oui, tiens, je connais ça. La viande rose. Ah, de la viande rose, Edith Piaf, c'est très bien. Bon, bah, on va tenter ça au pire. Hein. Au pire, je changerai encore de métier. D'ailleurs, déjà la semaine dernière, on m'a viré de mon job. J'ai été animatrice dans une colonie de vacances. Tous les gamins ont démissionné. Je comprends pas pourquoi. Mmh. Bon, et ben, je vous dis à bientôt dans les bacs. Salut. Merci. Bonne soirée. Et vous, et applaudissez quand même quand je vais chanter. Hein. Ouais. Allez, vous êtes prêts, les gars? Allez, maman, c'est moi. C'est moi. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Je pense que vous pouvez arrêter, les filles. Pardon. Elle est partie, c'est horreur, bah ouais, c'est une horreur cette crécelle. Moi je me sentais bien à côté d'elle. Oui, bah tu m'étonnes. Donc on a, on a deux indices. Ah bah c'est prenant, hein, c'est... Elle est sur scène en même temps, faut bien qu'elle ait de la gueule. Hein. Oui. Mais on a deux indices. Qu'est-ce qu'on a dit? Ah, des indices, c'est quoi? Ah, Peggy Avenger et animatrice. Ah, d'accord. Moi je pensais à Linda. Mais pourquoi Linda? Ah ouais. Qu'est-ce qu'elle ferait là-dedans? Qu'est-ce qu'elle ferait dans son épisode de Doctor Who? Elle l'a. Quoi? Linda aurait zigouillé Doctor Who? Bah, elle l'aurait enfermé ou... T'as un moustique, t'as rien. Ah oui, j'ai eu peur, il y avait un moustique dans le studio. Ou lui un coup de... Non mais il l'a envoyé moustique. Ouais, je l'ai tapé. Ah, tu l'as tapé. On s'est tapé dans les mains, ouais. Tu l'as assommé. Exactement. Moi j'ai envie d'écouter de la musique parce que j'aime la musique et j'aime Indestar et j'aime la musique d'Indestar. Et bien sûr, on va écouter ça. T'as pas du linge sale à laver? Washing machine. Ouais. On l'avait pas écouté la semaine dernière, celle-ci? Pas la semaine dernière, je crois que c'est il y a 2-3 semaines. Rosemary, Rose of Rose. Forever. Avec washing machine qui veut dire donc machine à. Remonter le temps. Laver. Allez, elle est mauvaise. Washing, ça veut dire laver. Mais j'étais encore sur Doctor Who. Oui, ben, tout à l'heure. Et juste après, on va faire Raconte-moi une histoire. Ah, c'est quoi le principe de Raconte-moi une histoire? Raconte des histoires, c'est fou. Elle est en train de dire. Oui, mais vas-y, répète, c'est le perroquet, va. Ça va, okay, répète, ça te fait rocker là. Ça le fait rocker. Ouais, t'es rocker. T'es balancé ta meilleure insulte du siècle. Ouais, balancé la meilleure. Bon, les gars, revenez sur Indestar après. Ah, revenez sur Indestar après. Oh, Actu Solite, le défouloir d'Indestar, c'est ça. Le mercredi soir, j'écoute Indestar. Mon petit grain de maïs, c'est bien Anaïs. On va pas en faire. Toute une Anaïs. Actu Solite, tous les mercredis soirs dès 21h sur Indestar. Elle est toujours à fond. Le jingle a quand même un temps de retard. Je serai ton wawa. Tu la connais, celle-ci? Ah bon? Bah oui. Et tu vois, c'est là qu'on se dit que finalement les chansons qu'on fait en live machin, elles sont pas si mauvaises. Ouais, mais c'est vrai, elles sont même meilleures comme ça. Que d'autres, hein. Ah, c'est vrai, hein. C'est de la YOLO musique. Non, mais non, pas dans un studio. En plus, il n'y a pas d'air et tout. Il n'y a pas d'air et tout. On va crever. Ah là là, bon, vous avez compris l'état d'esprit. C'est Indestar, c'est Actu Solite, c'est Amel. Non, mais surtout, on a mis une musique pourrie et j'ai envie de péter, les gars. Oui, c'est peut-être la musique qui te... Bon, non, c'est le moment de... C'est un petit peu le moment de calmitude, c'est un peu le moment de calme. Normalement. Normalement, on a des histoires à vous raconter. Cela dit, ne croyez pas tout ce qu'on va raconter. Ne prenez pas ces histoires au pied de la lettre. Parce que cette bonne histoire expression. Est inspirée de faits réels. Ou pas. Voilà. Ces Antoine, histoires peuvent être... C'est à toi de nous faire vrai. Ça. Vraies. Ou ah ces bah. Histoires peuvent être... Fausses. Voilà. Mais du coup, on l'aura la semaine prochaine sur en direct là. Live. Ah ouais, on l'aura la semaine oui, prochaine. Oui, tout à fait, messieurs dames. Cette histoire est inspirée de faits réels. Ou pas. Non, elle le faisait bien, franchement. Je peux commencer? Oui. Ah, okay. J'allais proposer. À moi. Je peux commencer à moi. Non, c'est pas qui comme on a dû rester calme. Et toi? Alors moi, c'est un jeune homme à l'âge de 18 ans. Bah, comme pratiquement tous les jeunes, il se rend dans la première fois dans un salon de tatouage. Non, j'ai jamais fait ça de ma vie. Moi non plus. Genre. Non, moi c'était à 22 ans au pire. Mais... Et du coup, l'homme décide de se faire tatouer en chinois. Paix et liberté. Ok. Donc tu vois, tout va bien. Et puis quelques années plus tard, 12 ans après. Ça dépend, c'est P, P, E, T ou S ou P, P, A, I, X. Oh, je pense qu'après il parle de liberté, je pense que c'est la paix. Mais c'est en chinois. La paix dans le monde. C'est en chinois, alors si tu fais une faute d'orthographe en français, ça se voit pas trop, tu vois. C'est vrai. Et 12 ans plus tard, il décide de se renseigner enfin sur les vraies significations de son tatouage. Aïe, aïe, aïe, aïe, il y en a pas que un qui a fait ça. Hein. Il y en a beaucoup qui ont fait ça. Et en apprenant ce que veut dire le tatouage. Ouais. Ils ont eu le plus gros fou rire de leur vie avec sa femme. Mais il s'est dit, il y a pire, c'est fait, au pire. Bah, il y a 12 ans, ouais, ça voilà. va. Il y a qu'une partie de la population qui peut le lire, tu vois. Et ouais, en fait, une grande partie, parce que les Chinois représentent quand même un tiers genre de la population légale. Et en fait, le tatouage veut dire, j'aime le caca. Oh, c'est mignon. Ouais, ça va, moi j'aurais fait une faut petite pas partir d'ailleurs. En Chine, cela dit. Ouais, tu vois, vous renseignez-vous bien sur la signification de tatouage. Mais oui, c'est-à-dire que quand vous faites un tatouage, quand vous faites un tatouage, oui, faites très attention à ça. Vous faites-le en français, vous savez. Ou même le symbole, on sait pas si encore que en français, faut faire attention à l'orthographe. Mais même le symbole, on sait pas si on peut regretter ou pas. Bah, il faut être sûr de ton la signification. Moi, je suis quelqu'un qui je suis quelqu'un qui décide. C'est pris une ardoise dans la gueule parce qu'elle l'utilisait en tant que ventilateur. Voilà. Je suis ça quelqu'un genre fois, qui va faire un truc genre en mode vas-y, je le fais, bah les couilles, je le fais la veille pour le lendemain. En plus, j'ai un tatoueur génial, il me prend rendez-vous la semaine prochaine, tu vois. Et à chaque fois, des fois, je suis là en mode bon, Amélie, t'es sur ton choix, bon, c'est trop tard, il est fait, tu vois. Mais après, je regrette pas, je suis quelqu'un qui regrette pas, genre je me dis. Oui, et puis tu fais des choses sensées. Puis de toute façon, j'ai une poupée de maïs sur la jambe. Hein. Aïe, aïe, aïe, ouais, des fois, il y a des ratés. C'est pas si sensé que ça. c'est avec ma cousine, tu vois, genre c'est mignon, franchement, je le regrette pas. Et je me dis, c'est la cheville, genre on s'en fout. Petit grain de maïs. Parce que je voulais même rajouter des petits pop-corn un peu kawaii, tu vois, des petits pop-corn avec des sourires, machin. Il m'a dit, non, on va pas trop loin dans le truc. Ouais, ouais. Mais tu vois, ton tatoueur, effectivement, c'est un bon tatoueur. Il t'arrête un peu sur les délires, quoi. C'est ça. C'est pas un very bad trip, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fout l'autre là? Pardon, t'as un gros plan à la caméra. Anaïs, à toi. J'ai cru voir un ancêtre me voler entre les tétés. Alors, dans un zoo aux États-Unis, il y a une femme qui est restée. C'est faux. Mais on n'a pas dit pour toi. Oh, bah oui. Bah oui. C'est toi qui as envoyé la suite. Moi, je dis vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a eu plein d'histoires comme ça. Ouais, bah oui. Mais de la trouver mignonnette. C'est vrai qu'elle est mignonne. Après, j'aime le caca. C'est pas forcément horrible. Je veux dire, il y a pire. Genre, j'aime la. Oui. Enfin bref. Bref. On retourne au zoo. Alors dans un zoo aux États-Unis, il y a une femme qui s'est cachée la nuit dans un coin pour rester la nuit quoi. Elle s'est cachée le jour pour rester la nuit. Ah ok. Donc à l'abri des vigiles et tout. Et donc après que la nuit soit tombée, elle voulait voler un calao rhinocéros de Java. C'est une espèce d'oiseau perroquet rare. Ah ok. Et donc pour pouvoir le revendre dans un trafic d'animaux. Et donc elle s'est fait prendre par les vigiles qui eux ont appelé la police, ils ont débarqué, ils l'ont embarqué au commissariat pour l'interroger. Est-ce que c'est vrai ou pas? Faux. Alors faux. T'as le choix entre vrai ou faux. Ouais, c'est vrai que c'est un choix cornélien. J'ai l'impression que plus les choix sont restreints, plus c'est dur quoi. Faux. Je vais suivre Abel, je faux. Dis faux. T'as eu une hésitation? Ouais. Et bah, j'aurais dû suivre ma. C'était faux. C'était bien faux. D'accord, très bien. Bon, bah voilà. Ah, t'as une fourmi volante sur le. Ah ouais, qui se balade en chine. Moi, une histoire lilloise ce soir. C'est celle d'un couple d'étudiants qui se dit il y a quelques jours. Je sais pas. Il y a plein de couples d'étudiants qui se disent il y a quelques jours. Mais on est vendredi 13. C'est notre jour de chance. Il faut qu'on joue. Donc il y en a un, enfin lui il remplit une grille d'Euromillions et elle a rempli une grille de loto. Le soir il regarde le tirage, tout ça, et là c'est le drame parce qu'ils ont les bons résultats. Mais c'est inversé. Mais pas au bon jeu. Ah, tu connais la suite toi? Oui, j'ai vu. Ils ont joué les bons numéros. Ouais, c'est fou. Ils ont joué les bons numéros de l'Euromillion au loto. D'accord, c'est ballot, c'est-à-dire qu'ils sont passés à côté de 23 000 euros. C'est tout, ça va. Quand t'es étudiant, ça va, 23 000 euros, c'est rien. Franchement, évidemment. Ça sert à quoi? T'achètes un paquet de pâtes voilà, maintenant de nos jours à 23 000 euros. Exactement, et des papiers toilettes quand tu en as encore. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Anaïs? Elle est vraie. Elle est vraie, hein, pour toi. Hein. Et ça se trouve, j'ai pu me tromper, ça se trouve, j'ai pu te mettre en erreur. Non, mais ça paraît vrai, alors je dis vrai. C'est vrai que ça paraît vrai. Parce qu'il y a tellement, ça peut tellement. Voilà quoi. Ouais, tu vois, les couples, ça existe. Les Lillois, ça existe? Ouais. Non, je te le dis pour les couples parce que je sais pas si t'es au courant. Tu sais que c'est un couple, un homme, une femme ou une femme, une femme ou un homme, hein, d'ailleurs. Un homme ou un chien. Un chimpanzé. Bon, bref, donc Euromillion, loto, il joue et il se plante. Enfin, voilà, donc vrai. Et donc... Bah, j'ai failli la faire. Ouais, t'as failli la faire, donc c'était vrai, effectivement, c'était la bonne réponse. Putain, pour une fois que tu mets un truc vrai, toi. Mais ça dépend. T'as parlé de vendredi 13, est-ce que vous êtes passé un truc? Pas du tout. Alors, j'ai aucun. Ni penchant positif ni négatif sur le vendredi 13, je m'en contrefous. Non, mais je veux dire, c'était vendredi rien 13 il y a la semaine dernière. Certainement, mais c'est rien passé. Et est-ce qu'il s'est passé un truc de méchant ou de pas? Ah, si, pour moi, si. Pour toi, si quoi? Oui. Oh putain, moi, tu sais ce que c'était? Oh, c'était le jeudi soir. J'étais à une prestation et puis je me penche et puis mon soutif il a craqué. Attends, une prestation? J'ai plus de soutif. Genre, tu fais des prestations des strip-teaseuses. La danse, strip-teaseuse? Non, pas vraiment. Ah, d'accord. Mais voilà, j'ai déchiré mon soutif et j'étais dégoûtée. J'ai entendu un crack. Même pas vendredi 13. Ça aurait été vendredi 13? Mais c'était vendredi 13. Non, t'as dit c'était jeudi. Vendredi 13. Elle a pas dit c'était jeudi? Non, vendredi 13. Bon, d'accord, c'était bon. Ah si, moi j'ai été promener mon chien, mon berger allemand, avec ma meilleure amie qui, elle, a un bosseron. Et on va les promener et en fait un bûcheron, la... un bosseron. Et en fait on va les promener et en fait au bout d'un moment le son sa chienne saute sur un truc et fait voler quelque chose. Donc en fait je pense qu'elle a pris une souris et qu'elle l'a fait voler de l'autre côté de la route. Ah. Oh, sauf qu'une voiture arrive au même moment. Donc merde. On arrête les chiens et tout. Et puis ma meilleure amie elle regarde, elle fait oh il y a quelque chose qui fait bouger les feuilles. C'est un serpent. Aïe. Donc comment te dire qu'on avait hop là on trace. Faut faire attention surtout pour les chiens, ouais, si c'est des ça. Vipères, faut pas ouais. qu'ils se fassent. Donc du coup on a fait non mais c'est bon on trace, on va rentrer, on est bien. Puis après on a mangé une salade composée. Très bien, c'est, ta vie est patiente. Jolie. Et après j'ai fait quoi? Et après bah je suis rentrée chez moi et je crois que j'ai rien fait. D'accord, t'as regardé la télé, tu t'es couché, t'as fait un bisou à ton chéri et tu t'es endormi. J'ai très bien. Pas baisé en plus. Aïe. Sacrilège. Ça manque moi, il faisait trop chaud. Non, j'ai mes règles. Bah j'avais mes règles, ils se sont terminés aujourd'hui donc très ce bien. Soir, ce soir, c'est il y avait cuisiné, mais il y avait passé la casserole. OK, très bien. Il va me couper la rondelle. Il fait trop chaud. Et comme dirait Antoine, va se prendre un coup de vieux. Mais oui, mais tu sais que moi avec mon copain, on s'est déjà vu dormir dehors sur des baies de chair. Des baies de chair. Des baies de chair. C'est quoi les baies de chair? C'est des sièges de pêche. C'est comme des ah oui d'accord je des vois des gros transats géants mais ouais. En gros que tu peux plier d'une façon à ce que ça prend pas trop de place. Ok bah oui il fait chaud tu et dors ben, dehors. Nous ouais. ça nous est arrivé de dormir dehors parce ouais. que notre chambre là-haut en fait elle est tellement isolée qu'elle garde tellement le chaud mais trop le chaud. Alors c'est pas ce qu'elle est tellement isolée parce que si elle était vraiment isolée puis, elle est... n'accepterait pas le chaud. Si ben, en fait quand le chaud rentre c'est mort. Ah oui voilà. Et vu que c'est des Velux ouais. et que ça tape directement sur la ça rentre et ça ne sort pas. Donc on dort dehors. Très bien. Ben, je suis sûr que vous êtes ravis de le savoir. Toute cette histoire. Ah on a toute la vie d'Amel. On va écouter DJ Flapjack. Le DJ Flapjack. Tu sais que c'est... Un bootleg, à mon avis. Ouais, c'est un bootleg, mais DJ Flapjack, c'est l'artiste qui, en 2022, a été le plus joué, pour le moment, sur Indestar. Ah ouais. Ouais. Et on peut l'inviter chez Chips. Nous On peut l'inviter chez nous. Oui, éventuellement. Et si vous voulez, dans 3 minutes, après DJ Flapjack avec Lil Nas X qui est mélangé avec The Weeknd, et avant de retourner voir le Dr. Who, le trouver en tout cas, je vous ferai le top 5 des artistes les plus diffusés sur Indestar en 2020. Ah, mais je croyais qu'il allait. Bah, Anafri, il va mettre Anafri, Chloé Stafler ou Lindsay Starling ou un truc comme je ça. Je ferai même le top 10. Parce qu'on les a tous, c'est pour ça. Et j'ai top 15, 10. Non, j'ai pas le top 15 comme ça entre les mains. Mais j'ai le top 10, je peux le retrouver c'est facilement. Déjà pas mal. Normalement. Okay. Et ben on se retrouve. Et ben après, on va écouter DJ Fly, Lis Nas. Vous n'imaginez pas tout ce qu'Actu Solide peut faire pour vous. À vrai dire, nous non plus. Indestar. Eh oui, mais ouais, mais tu pouvais pas faire ça avant. Ça l'a perturbé mais, là. Mais non, mais il me parlait, on voyait un truc sur les boutons et on n'a pas vu le commencement du jeu. Bah, alors, c'est pas ma faute si t'es pas attentive. Comme tu me parlais. Comme tous les mercredis soirs, bah là c'est bientôt la fin, mais on y est encore, on ne vous lâche pas jusqu'à au moins 23h. Mais la fin de quoi? Avec du solide. Ah d'accord. Mais laisse-moi le temps de finir ma phrase. Non, t'avais fini ta phrase, t'avais mis un et point. Et toi, tu nous avais pas promis quelque chose là ce soir? Ah si. J'avais quasiment oublié. T'es sérieux? Juste à... je te jure, juste à... Ouais, bah, j'ai la mémoire courte. J'ai la mémoire à long terme, mais j'ai pas la mémoire à court terme. Il faut me le rappeler. Donc, je vous avais promis le top 10 des artistes les plus diffusés sur Indestar en 2022 depuis le début. Donc, Ah, t'es une grosse araignée qui descend derrière toi! Arrête! Regarde là! Là! Désolé, on a. Ah, elle est dégueulasse en plus, t'as fait tout tomber! Ah! Il est... Voilà, c'est... Ah, moi j'ai une fourmi sur le micro! On a une invasion d'animaux dans le studio. Ah ouais. Et tu peux me remercier grâce à moi, t'as évité une araignée dans le coin. Ah ouais, non mais tu m'as fait super peur par contre. Super peur. Moi j'ai hyper peur des araignées. Mais si vous êtes sur Twitch, là, vous avez vu en direct, ça c'est ouf. Quand même, genre Ouais, non mais j'avoue que sur les araignées, ouais. Non mais j'ai bien fait de te le dire. Ouais, t'as bien fait de mais me le dire. Mais t'étais obligé de courir jusqu'à. Mais t'aurais pu le faire plus gentiment. Genre tu te serais levé, t'aurais écarté l'araignée, t'aurais dit t'es où, tout va bien. Non, j'aime pas les araignées donc je peux pas te le faire. D'accord. Bon, alors j'ai été sur le top 10 des artistes Indestar les plus diffusés en 2022. En première place, DJ Flapjack, donc je l'ai dit. Suivi d'Anafri. Non. Suivi de Jack Coco. Ah oui. Suivi. Anafri. De Boys Avenue. Boys Avenue qu'on passe très régulièrement. Suivi. Anafri. De Lindsay Stirling. Suivi. D'Anafri. D'Anafri. Ah, c'est la mer noire. Tu Chloé Stafler. Non. Suivi de Madeline Bailey. Suivi de Nola. D'Allen B. De Caro Leoni. Ah oui, Allen B, oui. De Caro Leoni. Et enfin de Gifla en 10e position. D'accord. Voilà. Ah oui, parce qu'on a DJ Fla et on a Gifla. Rien à voir du coup. Mais premier DJ Flapjack et je vais pas dire dernière, mais en 10e position, Gifla. Et bah si vous êtes en, vous pouvez nous appeler et venir faire une interview, pourquoi pas, à Indestar, pour votre contentement. Puis-je donner le numéro de téléphone? Oui, j'ai juste pas compris le rapport de d'Amel. Avec, tu veux dire si on est artiste et qu'on a envie de se produire en libre? Mais non, mais si eux là, les artistes qu'on, oui, qu'on fait les top 10, ah, et s'ils veulent nous appeler pour leur contentement, pour être contents. Surtout Anna, si tu... Anna, m'entends-tu? Ah, si tu... Elle est française, Anna? Pas du tout. Elle est à moitié portugaise, à moitié Anna, anglaise. Anna. Anna Free. Qu'est-ce qu'elle a? Anna, je voudrais un bonhomme de neige. C'est quoi ça? Viens jouer avec moi. J'ai pas la ref. Et si, libéré, délivré. J'ai pas vu. La reine des neiges, mais non. Non, mais non, j'ai pas vu. C'est trop récent pour moi, ça. Oui, donc je disais, Anna, si tu m'écoutes, appelle, call the number et compose the numero. Mais elle parle très bien français. Ok, the numero is 09 7 0 4 0 7 3 0 6. Bravo. Yes. Non, mais ça marche aussi, ça marche en anglais. Mais oui, Anna Free parle toutes les langues. Elle est polyglotte parce qu'elle est bilingue de base en anglais, portugais. Mais en plus, elle était en école internationale, donc elle sait aussi parler l'allemand. Le la glotte, c'est pas ce qu'on a dans la bouche. Quand tu dis polyglotte, c'est que tu sais parler plusieurs langues. Donc j'imagine qu'il y a un rapport avec langue. Le cheval. Je suis polyglotte moi aussi. Ok, c'est pas... Non, ça, c'est une mémé, toi. Alors, je rappelle que l'heure est grave, les amis, parce que nous sommes à la fin de l'émission, mais nous n'avons pas encore résolu l'enquête qui est la nôtre ce soir. Le Dr Wu, vous connaissez certainement, ça existe depuis 1963, c'est une série très célèbre. Oui. Amel, Anaïs connaît à fond, Amel moins. Alors, le principe, c'est que ce soir, le Dr Wu a été enfermé sur la planète qui est la planète cachée. Qui est dirigée par des femmes. Voilà, donc des méchantes. Et le Dr Wu a été emprisonné, mais on ne sait pas où, on ne sait pas par qui, etc. Donc, et votre mission est de le retrouver. On vous avez déjà des indices. Deux indices. Qui on sont a Peck Avenger et Animatrice. D'accord, très bien. Donc, avec ces deux indices, vous les avez, mais c'est peut-être pas suffisant. Je crois savoir. Même si tu as une idée, on va quand même s'assurer de cette idée par un troisième personnage, une troisième rencontre. Donc, je vous laisse reprendre le TARDIS, qui est la cabine téléphonique, qui vous permet de vous téléporter jusqu'à à cette planète pour résoudre l'enquête. Prends le temps de respirer un petit peu, Théo. Oui, ça va. Et bah moi je dis heureusement qu'on est ressorti parce que là la crécelle là, j'en pouvais plus là. Parce que j'ai déjà plus d'oreilles, c'est ouf. Et en plus, je sais pas si t'as vu mes regards, il y a un petit chien là-bas, un petit chien robot. Oh, il est mignon. Mais ouais, il a l'air trop mignon. Bonjour petit chien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kanaf. Je suis l'assistant du docteur Wu. Oh. Bonjour. Il est mignon, tu mais veux que je te gratte tous les couilles, non? Non? Le docteur, vous le cherchez? Oui, bah oui. Mais moi, je sais pas où il est. Les circuits de mon flair m'ont lâché. Je me sens seul, si vous saviez. Heureusement que je peux écouter les podcasts Indestar. Elle est chouette, votre radio. Merci. Je la suis depuis le début. On va voir si vous la connaissez aussi bien que moi. Normalement, ça devrait le faire. En quelle année a été lancée Indestar? Mais attends, ça... 2009, non. 2010, 2011. 2011, je crois. Non, 2010. 2011. C'était 2009. Et voilà, je savais que ça avait moins 13 ans, Indestar. Radio Coffee Shop, c'était quoi? Une émission d'interview d'artistes, une émission de débat, un café chill fumette. La première? Une émission d'interview d'artistes, c'est la bonne réponse. Quelle émission a invité pour la première fois, entre autres, les Fire Poney et le Docteur Bactéry? Est-ce In the Night? Est-ce le joyeux bordel? Le joyeux bordel. Ou Actu Solid? Le joyeux bordel. C'est la bonne réponse. Combien de Teddy sont passés chez Indestar? Deux. Deux. C'est deux la bonne réponse. Combien d'épisodes d'Actu Solid sont actuellement disponibles en podcast? 58. Je vais regarder vite fait, je regarde. 68. 78. Je dirais 68. Ouais. C'était 58. Vous ne connaissez même pas votre émission. Remettez dans l'ordre le studio Indestar a déménagé. Paris, Clermont-Ferrand, Bourges, Amboise. Paris, Bourges, Clermont-Ferrand, Amboise. Bah déjà, Bourges, Paris, Clermont-Ferrand, Amboise. Je crois qu'il a fait Bourges, Paris. Ah non, Paris, Bourges. Je répète. Paris, Clermont-Ferrand, Bourges, non. Amboise. Non, il est parti de Clermont. Paris, Bourges, Clermont-Ferrand, Amboise. Bourges, Paris, Clermont-Ferrand, Amboise. J'aurais dit Paris, Bourges, Clermont-Ferrand, Amboise. C'était Paris, Clermont-Ferrand, Bourges, Amboise. Bah, c'est ce que j'ai dit. Non, c'était la réponse A. Mes circuits ont bien enregistré. Merci. Dernière question. Quelle émission a vraiment existé sur Indestar? Jean-Luc et Charlie. Vita Life. Poubelle Night. Poubelle Night. Ah oui, Poubelle Night, oui. Poubelle Night, c'est la bonne réponse. Vous gagnez sur le fil. Vous voyez, je connais bien Indestar. Là où tout commence, les enquêtes pour retrouver le docteur Wu. J'espère que vous allez le retrouver aussi, qu'on quitte cette planète où il n'y a même pas d'os électronique à mâcher. C'est n'importe quoi. J'ai été voir chez Wouf Wouf et Miaou, Rayon Bouffe, rien que dalle, nada. Soyez forts, à très vite. Bah, à bientôt, c'était un plaisir, K9. Je m'appelle K9, je suis l'assistant du docteur Wu. Merci, au revoir, ciao, au revoir. À très vite. Je vous adore, vous êtes trop mignons. Il veut pas monter avec nous. Wouf Wouf. Il veut pas monter avec nous dans le TARDIS ? Ça, c'est compréhensible. Bon, alors, vous l'avez, la réponse, le troisième indice ? Indestar. Indestar, d'accord. Super. Alors, vous avez trois indices, c'est quoi ? Peck Avenger, animatrice, Indestar. Ah, bah, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, ça donne quoi ? Linda. Parce que c'est la seule qui est dans Peck Avenger qui est une fille, déjà. Ouais, ok. Linda. Ça se tient ? Linda. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller revoir le producteur. Alors, j'ai Monsieur Lett. Monsieur Lett, ok. Et vous allez lui donner tous ces. On a trouvé, ouais, bien sûr. Exactement. Donc là, on reprend le TARDIS. Oh bah, reprenez le TARDIS, reprenez le longtemps, parce que je crois que la route est longue. Hein. On profite bien de la piscine. Allez-y encore, hein, parce que c'est pas fini. Mais j'aimerais bien aussi qu'on aille visiter la bibliothèque. Oh non, mais la piscine, t'es ouf, toi. Oui, non, mais on peut amener la bibliothèque dans la piscine. Je veux dire, tu prends des livres, tu transates sur la piscine. Mais non, moi, j'ai pas que ça à faire. Après, si le docteur Wii vient... Ah bah non, c'est tu sais qu'en plus, tu peux même aller à l'extérieur. Je crois qu'il y a un truc qui va à l'extérieur, mais... Je crois que vous êtes arrivé. Hein. Donc là, Monsieur Letts, producteur de la série, vous lui donnez le mot trouvé. Vous frappez hein, quand même, avant d'entrer. Bonsoir, qui est-ce ? Les Actus Solides ! Ah, rentrez, je vous en prie. Merci. Avez-vous résolu l'enquête ? J'ai perdu le docteur Wu sur cette fameuse planète, je ne le retrouve plus. Où est-il ? Bah justement, on a eu des indices, on a eu Peck Avenger, animatrice et Indestar. Et ça pas. Nous a ramené à Linda. Linda, vous dites ? Linda, je dis. Mais bien sûr. Et en plus, c'est le jeudi. Mais bien sûr, Linda. C'est le nom qu'on a donné à l'épisode où Abzo Rarloff, ce méchant personnage qui absorbe les êtres vivants pour les intégrer dans son corps, est né. C'est sûrement lui qui a avalé le docteur. Donc il est mort ? Non, je ne dirais pas ça. Vous savez que le docteur se régénère. Mais il va falloir qu'on le retrouve et qu'on le désingue pour le libérer. D'ailleurs, on pourrait nommer cet épisode un désingage de ouf. Qu'est-ce que vous en dites ? Ça peut désengager pas mal. Je suis très créatif. Merci de nous avoir aidés. En tous les cas, grâce à vous, la série va pouvoir continuer. D'ailleurs, on a encore plus de 300 épisodes en réserve. Ça aurait été dommage d'arrêter là. Bah oui. Merci beaucoup, mes amis, mes frères, mes sœurs. Est-ce qu'on aura le droit de toucher une petite commission par épisode ? Parce que, bon... Alors, si vous voulez aller faire des cours, j'ai une carte de réduction chez Leclerc. Moi, j'aimerais bien rencontrer Dr. Wu aussi, après... Ah, mais vous pourrez le rencontrer, Dr. Wu. Faut juste le retrouver. Il vous attend dans ce TARDIS. Attention, c'est plus grand à l'extérieur. À l'intérieur. Ouais, bah écoutez, encore un petit truc victoire. Encore une victoire pour nos Actus Solides. C'est le générique de Dr. Wu, ça. Hein. Oh là là. Et ça, c'est le vrai bruit du TARDIS. Oh, c'est excitant. Ah oui, c'est pas vrai. Vous voulez dire que vous avez un potuné sur le vôtre ? Quand vous l'avez pris tout à l'heure, il faisait pas exactement ce bruit-là. Il répond qu'au Dr. Wu, donc forcément, nous, il va faire un bruit plus suspect, tu vois. Ouais, puis vous, il est converti à l'électrique, je crois. C'est probable. Tintintin. C'est moins... C'est pas très entraînant. Ouais, par rapport mais non, à K2000. Mais ça, c'est... Je me dis, ouais, c'est le générique, mais déjà le générique il est trop long et puis il est. Ouais, on est d'accord, il est nul. C'est nul. Il est pas terrible. C'est nul. Bon, très bien, en tout cas, merci d'avoir sauvé le Docteur Who. Bravo, Anaïs, notamment, parce que tu vas pouvoir continuer de suivre des épisodes de Docteur Who. T'es contente? T'es contente. C'est bon, j'ai dit oui. Vous allez pouvoir continuer de suivre Indestar et Actu Solide, parce que si vous avez raté le début, si vous avez raté un morceau de l'enquête et que vous n'avez pas compris pourquoi ils en sont arrivés là, eh bien, il va falloir réécouter en direct. Podcast. Mais non, en direct c'est passé maintenant. Le direct ça sera mercredi prochain. Mais avant, ouais, il y a le podcast sur toutes les plateformes. Vous y allez, vous téléchargez, vous écoutez dans la voiture, dans le lit, en faisant des choses, en faisant la cuisine par exemple. Dans le lit, en faisant des choses, en faisant la cuisine. Ouais, bah tu peux mélanger. Chérie, ouais. J'ai envie d'un M. Bah toi, tu en aimes, c'est la troisième personne qu'on a invitée. Deux petites clémentines là. Bon, file-moi tes pastèques. C'est quoi notre thème de la semaine prochaine? Ah, je sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que demain, il y a une émission. Peck Avengers. Ils sont vraiment tous beaux. Très beaux. Ils sont vraiment très beaux. Donc demain, évidemment, les Peck Avengers qui seront avec la nature. Vendredi, il y a une émission vendredi soir, 21h-23h, le travail, ok, mais pas trop. Ouais. Oui, histoire de dire travail, ok, mais ça, oui, pas trop. Moi, avant, j'étais en 24h, je suis passée en 30h et je me suis dit, tu trouves le travail, trop, ok, mais il y a été bien. Exactement, parce que nous, derrière, on a aussi une vie, faut pas oublier que derrière le boulot, on a une vie. C'est ça, je répète. J'ai travaillé à 13h30 demain, donc faut vite que je me casse, les gars. Ah, pardon, pardon, bah oui, faut que tu t'en ailles. Moi, je commence à 5h, les gars, donc faut. Non, toi, ça va. Toi, je trouve ça va, par contre, 13h30, c'est, ouais, là, c'est tôt. C'est tôt, 13h30, attends, c'est la... Mais les gens, je suis c'est sûr, la matinée, 13h30. Ça se vous nous écoutez, vous dire 13h30, mais ça va, elle se met bien, la meuf. Non, mais attends. Mais je finis à 20h. Et tu finis à 20h. Ah, et moi, je finis à 16h. Ouais, non, toi, ça va. Toi, tu vois, c'est... Ah ouais, mais moi, je commence à 5h. Non, mais c'est bien, 5h, c'est la bonne. Mais elle peut dormir, elle, à surveiller des gosses. Évidemment. Sa patronne, elle lui a dit, si vous voulez vous endormir, endormez-vous. Ouais, mais moi, j'y arrive pas dans un... Quoique, un jour, j'ai rêvé. T'as rêvé de quoi? De t'endormir? Non, j'ai... parce que des fois, bon, il est vrai. Il est vrai. Il est vrai d'être d'adversaire. Je me suis déjà endormie sur son canapé en attendant que les enfants se lèvent. Mais moi, il est renvoyé. Mais non, c'est la dame qui lui a dit vous pouvez dormir. Et ben, ça m'est arrivé de m'endormir à 6h05 pour me lever à 6h30, tu vois, donc 20 minutes, tu vois. J'avoue que ça m'a déjà arrivé. C'est réparatrice, 20 minutes. Oui, c'est pas j'ai le temps de rêver. Ah, mais là, c'est. Ouais, c'est réparateur, mais là, c'est... elle parlait pas de dormir. Elle parlé... Il te manquait 20 minutes, enfin, tu t'es levé 20 minutes avant. Ah, t'as dormi 20 minutes, pardon. Oui, c'est vrai que c'est réparateur. C'est réparateur. Ouais. Tu gagnes 60% de ton énergie. Là, la voiture, elle marche plus. C'est réparateur, ça va marcher. Bref. La semaine prochaine, on est de retour avec Actu Solide 21h-23h le mercredi. Avant, il y aura Starter le lundi avec de la avec voiture. Théo avec Théo et Teddy. Et avec de bien beaux sujets. C'est quoi? De bien beaux sujets. J'ai oublié, ça va? Laisse-moi deviner, ça va parler d'automobile. C'est, oui, non, de dépollution. Ah bah tu vois. Tu vois la pollution. Et bah, vous dépollue. Pas tu vois l'inverse, c'est la dépollution. Voilà. On va faire un de dépollution. Et dans le garage, on y mettrait une voiture qui pollue pas beaucoup. Est-ce qu'on peut partir vite parce qu'on commence à être assiégé d'insectes. Mais ça veut dire qu'il fait moins chaud dehors. Ouais, alléluia. Ça c'est bon signe. Ouais. Mais même là, je le ressens là, je me sens mieux. C'est vrai, tu. Alors prends 2 heures, je suis mieux là. Non, j'ai pas chaud. J'en peux plus. Moi ça y est, j'ai envie de me casser là. Par contre, on écoute de la musique. Teddy, vrille là, j'ai vu un papillon. Sarah Jade. Mais y a avec American Life, la vie américaine. C'est ce que j'allais dire. T'en es bon. On est fort en anglais. On est très fort. On vous fait des bisous très très fort et aussi. Et on vous souhaite une bonne mais semaine. Que sur la joue. Et à mercredi. Ciao ciao. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.